la journée dans les gares desservies par la ligne D du RER. La menace d'attentat était imminente. Les trois femmes comptaient passer à l'action très rapidement, selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Un policier de la DGSI a été blessé au cours de l'arrestation. Ses collègues ont riposté et l'une des suspectes a été blessée à la tête. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée le week-end dernier à Paris. Deux couples sont toujours en garde à vue. Les trois femmes interpellées ont commencé à être entendues au cours des dernières heures. Un homme activement recherché par la police. Il s'agit d'un ancien membre du GIA, groupe islamiste armé. L'individu a été condamné pour terrorisme et assigné à résidence en Mayenne. Il ne s'est pas présenté à l'un de ses pointages quotidiens hier à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte. Si la fuite est avérée, il encourt jusqu'à 3 ans de prison. Une nuit très longue pour une trentaine de personnes bloquées dans le Mont-Blanc. Un problème technique a causé l'interruption de plusieurs télécabines à plus de 3000 mètres d'altitude. 60 touristes ont déjà été secourus. Les autres retrouveront la terre ferme dans la matinée. Des naufragés de l'altitude qui seront élitreuillés d'ici une petite demi-heure. En tout cas, les opérations commenceront d'ici une petite demi-heure du côté italien du Mont-Blanc. On l'a appris hier matin, mais elle l'a officialisé dans la soirée au journal de France 2 sur 20, au journal de 20h sur France 2. Nathalie Kosciusko-Morizet sera bien candidate à la primaire de la droite et du centre. La députée de l'Essonne a réuni les parrainages nécessaires. Dernière ligne droite pour les candidats qui ont jusqu'à 18h ce soir pour les déposer. Fin de l'aventure normalement pour Nadine Morano, Henri Guénaud et Frédéric Lefebvre. Ça risque d'être compliqué également pour Hervé Mariton. La vidéo bientôt en Ligue 1. Voilà un débat qui dure depuis quelques années qui va enfin trouver son épilogue. La fédération s'est portée candidate à l'expérimentation de l'arbitrage vidéo. Cela se fera en 2 étapes et sur 2 ans. Les arbitres assistants seront formés dès le mois de novembre. La décision via la vidéo de l'arbitre principal interviendra à compter de mars prochain. Et puis la Ligue 1 justement côté terrain avec le début de la 4e journée. Gros match ce soir puisque les Parisiens reçoivent Saint-Etienne au Parc des Princes. Une belle affiche dès 20h45 que l'on suivra en live dans la Radio Libre. Exactement, gros match, énorme match même. PSG Saint-Etienne à retrouver ce soir. Dit le fan stéphanois. Bien sûr. Merci Rémi, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il est 6h pile, tout pile sur Skyrock. C'est parti pour le morning. C'est la rentrée du morning et toute l'équipe est déjà opérationnelle. D-Fool, celui que tous les profs aimeraient avoir comme élève. Hello. Hello, si. Si, I found you for the announce. Ou pas. Romano, le meilleur à l'oral. Cédric, le premier en géographie. L'océan Méditerranée. Et Cariole, la plus forte en tout. Bonne rentrée avec le morning de D-Fool sur Skyrock. The morning show. Et oui, bonne rentrée à vous. Et oui, depuis la rentrée, plus de 20 000 euros de gagnés dans les 1500 euros. Déjà. Je faisais le compte avec Romano qui était au-dessus de mes épaules et qui regardait tout ça. En train de tomber. Oui, en train de tomber. J'essaie de trouver des chèques qu'on aura oubliés. Mais non, on n'a rien oublié. On a envoyé tous les chèques là. Tariq a gagné à Argenteuil hier matin. Ce sera peut-être votre tour ce matin sur Skyrock. 1500 euros à gagner. Toutes les demi-heures, comme tous les mornings. 1500 euros pour vous si vous répondez Skyrock. Vous pouvez vous inscrire au 72020. Vous envoyez 1500. Petit tuyau qu'on vous donne comme ça. Sinon, pour nous envoyer des messages pendant l'émission, c'est au 41759 sur l'appli Skyrock. Vous nous faites péter tout ça. Bonjour à Hotman. Bonjour à Bilou. Bonjour à Monsieur Titanium, les premiers réveillés aux flûtistes. Cathy nous fait un bisou. Ah non, elle nous fait pas de bisous, mais elle nous dit salut l'équipe. Bah nous on te fait des bisous. Ah bah salut Cathy. Et un gros bisou à toute l'équipe qui est là, surtout à Cariole. Salut Cariole. Bon, Sam est là pour les réseaux sociaux, Rémi pour les infos. Yep. Et Cédric n'est pas là lui. Non. C'est pas très sérieux ça quand même. Hein. Ah, oh, c'est pas croyable. Ah, c'est toujours de bons prétextes pour ne pas venir. Hein. On fait de la mobilette. On ne sait pas en faire. On se casse la binette. On glisse comme ça. Et après on a des problèmes à la clavicule. Et après on se casse la clavicule et on passe la soirée à l'hôpital comme hier soir. Cédric, oui, donc Cédric est pas là, mais je vous rassure, tout va bien. Comment ça s'est passé? Tu t'es fait bien prendre tranquille à l'hôpital, Cédric? C'était sympa. Ah, parce que moi, à sec ça rentre. À sec ça rentre. Non, mais quand je disais prendre à l'hôpital, c'était prendre en soin. Ouais, c'est ça, hein. Il s'occupait de toi, quoi. Très bien. Cédric, donc, qui sera de retour, j'espère, très bientôt. Je sais pas combien de temps il va être absent, Cédric, dites donc. Mais il est sorti, là, non? Ah, ben, je l'ai eu cette nuit, ouais, ça y est, il est sorti de l'hôpital. Ouais, il m'a envoyé un WhatsApp, il m'a dit, t'inquiète, j'en vais bientôt vous casser les couilles. Ah, eh ben, écoutez, une bonne nouvelle, Cédric serait bientôt là, en tout cas, là. Ah, merde. Et ouais, gros soutien à Cédric pour Guillaume sur SMS. C'est gentil. On lui dira. On lui dira tout ça. Merci à Vector, merci à DJ Frost qui vient d'arriver aussi. Bon, ce matin, on a du lourd pour vous. Des iPhone 7 à gagner tout au long de l'émission. Le premier, ce sera à 6h20 tout à l'heure avec un invité mystère. Du lourd aussi avec le retour de DJ Roro comme tous les vendredis. On le retrouvera un petit peu plus tard ce matin. DJ Roro sera là pour tester nos connaissances musicales. On fera le petit test. Et nous ambiancer un peu la matinée. Hein. Le petit test, exactement, avec son mix exceptionnel que vous attendez tous les vendredis. À pas louper. Donc DJ Roro, les conseils pas chers, c'est à 40 de chaque heure, les premiers à 6h40. Ouais. Et puis le réveil de star que vous allez retrouver, qu'on va retrouver tous ensemble. Une star va réveiller la France.

découvert hier matin dans le morning qu'il est très très riche, Pitbull. C'est le 10e rappeur du monde qui a gagné le plus d'argent en 2012. Tu m'étonnes qu'il s'achète des costumes à la Claude François comme à l'époque. Il a des costumes brillants avec des paillettes dessus. Et tout moulé au niveau de la couillasse. La couillasse moulée, hein, Pitbull. Tu as la couillasse. D'aller, la couillasse moulache. Oh, ça moule au niveau de la couillasse. Fifi. Allez, il est 6h08 sur Skyrock. The Mask, le film. Alors, moi, j'ai pas vu. Dites-nous, c'est comment The Mask? Ah oui, le mot-clé du masque, c'est ça, je sais, parce que. Splendide. Ouais, ça c'est son. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le masque, c'est le type vert, là, un peu. Ouais, là. C'est ça, tout vert, ouais. C'est le type tout vert. Mais en fait, je me souviens plus trop, c'est un mec qui se transforme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand, quand il met le masque. Quand il met le masque, ça le transforme. Ouais, il devient complètement barge. Et il est complètement amoché. C'est lui qui va réveiller les familles ce matin. J'imagine que ça va bien se passer. Je crois qu'on va retrouver une dame, là, la femme de Gérard, je crois. La femme de Gérard. Ah, ah, on me confirme bien, c'est la femme de Gérard. Réserve ta soirée, cocotte. Oui. Tu passes à la casserole. D'accord. Elle va passer à la casserole donc. Bon, alors on va y aller tout de suite. Bah, on va faire un essai, hein. Un petit essai, petit coup de fil. C'est l'heure du réveil de star à 6h09 sur Skyrock. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Et donc c'est bien ça, c'est Gérard et la famille de Gérard qu'on réveille ce matin dans le réveil de star sur Skyrock. Comment que ça va se passer? On va voir ça tout de suite. Enfin, on Allô va écouter ça tout de suite. Salut vous. C'est qui? Benjamin Franklin, Ulysse Grant et Andrew Jackson. Mais je sais pas qui c'est. Ça gaze les loulous. Oui, ça va. Je souhaite venir te dire que tout me plaît. Ah, mais je crois que vous faites une erreur, hein. Que je vais te chanter una canzone d'amour. Oh, sole mio. Voilà. Oh, ça va pas ou quoi? Katharina, Katharina, chic, chic. Ouais. Oh, oh. Allô? Zoupi, je vais vous secouer tout ça. Ouais, bon, il faut arrêter d'emmerder le pot, hein. Un petit baiser, chérie. Je vous ferai voir ma grosse gondole. Bah, tu vas baiser où tu veux, mais si tu retéléphones une fois, moi, je téléphone aux flics, hein, c'est clair. Et puis, je planterai ma grosse fourchette dans vos rêves de lit. Mais non, t'es complètement rouillé, tes cols, hein. Réserve ta soirée, cocotte. Au chant du coq, tu passes à la casserole. Ouais, bah, moi, je vais te passer à la casserole, viens. Donne-moi voir ton numéro de téléphone, moi, je vais te dire où t'en es, hein. Si tu rappelles encore une fois, j'appelle les flics, hein, on est d'accord? Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Ouais, ben, la loi, tu te la fermes, hein. Allez, dégage, tu me pomplaires. Tu fermes ta gueule, puis tu raccroches. Si tu rappelles une fois, je téléphone aux flics, on est d'accord? Salut. Salut. Splendide. Mais oui, c'est The Mask qui est passé hier soir à la télé, on nous dit là sur, ouais. Sur les messages. Ouais, et il y a Karine Decan qui nous dit j'ai saoulé ma femme, je connais les répliques par cœur du film. Très bien, tu lui les fais toute la journée, tu vois, ça me la met à bout de nerf là. Bon, bonne journée à vous et bon réveil. Nouveau réveil de start à l'heure à 7h10 et puis dans un instant sur Skyrock, on se prépare, on vous offre l'iPhone 7 avec un invité mystère à découvrir. Mais qui sera donc l'invité mystère ce matin? Sam, juste un truc, t'as mis sur les réseaux, on est jeudi, non, on est vendredi. Attends, l'autre il va venir demain, il n'y aura personne. Tu viendras, tu seras comme un couillon. Tu vas te retrouver avec Vincent pour le morning best du samedi. Eh ouais. Voilà, 6h-9h, c'est tous les samedis à notre place. Vous avez le morning best, les meilleurs et les pires moments du morning. Là. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Et un des meilleurs moments du morning, un grand classique de Sky. C'est parti pour Jay-Z, Kanye West. Nigger in Paris sur Skyrock. First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Ball so hard, since we here, it's only right that we be fair. Psycho, I'm libo, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. Fall so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. Fall so hard, let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick days. Fall so hard, bitch, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, B-Rolls, moving the next BK. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. Fall so hard, motherfuckers wanna find me. That shit crack. That shit crack. That shit crack. She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your bar. Come and meet me in the bathroom style and show me why you deserve to have it all. Ball so hard, that she cray, that she cray. Ain't it Jay? Ball so hard, what she order? What she order? Fish fillet. Ball so hard, yo whip so cold, whip so cold. This whole thing. Ball so hard. Like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've married Kate and Ashley. Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Ball so hard, motherfuckers wanna find me. To the throne, don't let me get in my zone, don't let me get in my zone, don't let me get in my zone. These other niggas is lying, acting like the summer ain't mine. I got that hot bitch in my home, you know how many hot bitches I own. You are now watching the throne, don't let me into my zone, don't let me into my zone. I'm definitely in my zone. Niggas in Paris sur Skyrock, c'était Jay-Z et Kanye West sur Sky à 6h15 déjà, ça y est, 6h15. Vous avez entendu cette info tout à l'heure, Rémi nous l'a annoncé, les gars qui sont bloqués sur un télésiège, comme dans, comment ça s'appelle Les bronzés. Les bronzés, c'est pareil. Étoile des neiges. Non, mais là, les gens, c'est moins. C'est pire. Hein. Pourquoi c'est pire? Bah, ils sont à 3000 mètres d'altitude. Ouais, bon. Mais bon, c'est l'été, c'est pas l'hiver. Ah non, mais il caille la nuit. Il fait froid là-bas. Ah ben non, mais ouais, c'est à 3000 mètres. C'est même 3800 et c'est le Mont Blanc, donc oui, il caille vraiment. Ah, il fait froid. Bon, j'adore. Pays merveilleux. Elle a bon courage. Hein. On est en train de les sortir au fur et à mesure. Vive ta deux. Donc ils sont bloqués sur un téléphérique. Comme Michel Blanc. Oh, c'est moins pire que Michel Blanc quand même parce qu'ils sont abrités. Ils chantent pas, non. Non, ils sont abrités. Ah bah, écoute, ils sont dans les œufs, ouais. Ouais, dans une télécabine, quoi. Qui c'est qui a déjà été bloqué sur ouais, j'ai déjà été, moi. Ouais, j'ai déjà été bloqué une heure et demie, mais tu te gèles, mais c'est un truc de fou. Et en plein milieu d'après-midi, moi, ça m'arrivait. Moi, ça balance, ça m'énerve, ça balance dans tous les sens. Ah oui, ça t'a envie de vomir au bout d'un moment, t'as le mal de mer, ouais. Bah, c'est surtout quand tu viens de bouffer, par exemple, et que le truc s'arrête. Déjà, par exemple, tu as mangé une raclette. Bah, ouais. Une petite raclette. Bah, derrière, le truc, il commence à balancer. Déjà, quand il s'arrête, ça balance de haut en bas. Tu sais, t'as le câble qui monte et qui descend. Donc là, déjà, tu te retrouves avec l'estomac. Oui. Dans les. Comme ça, voilà. Dans les amygdales. Oui. Et ça fait peur parce que t'es maître de rien en plus, quoi. Ah, bah oui. Et puis surtout, souvent, moi, j'ai remarqué à chaque fois, genre sur les télésièges, quand le truc il s'arrête, c'est au poil plus haut. Tu sais, je me dis, ouais, s'il faut sauter, je m'éclate, quoi. Ouais, voilà. Donc, si vous entendez du côté de Chamonix, si vous nous écoutez dans le coin, quelqu'un qui chante. C'est les gens qui sont bloqués dans leur téléphérique. Voilà. Ou ceux qui s'aiment, vivent à deux. Merci, Cariole adore. J'adore. Hein. Moi, j'ai chanté Niggas in Paris pendant tout le son. Cariole, elle a chanté Étoile des neiges, quand te réveillerai-je. Les gens, ils descendent en rappel et tout. Hein. Bon, bah écoutez, bon courage à eux, on vous tiendra au courant. Les secours reprennent à 6h30, t'as dit. Ouais, 6h30, ils seront élitroyés du côté italien du Mont Blanc. Ah, le cauchemar. Bon, en tout cas, ils auront un truc j'espère qu'ils auront leur téléphone et qu'ils ont pris des belles photos, des belles vidéos. Il y a quelques personnes qui ont réussi à être évacuées. Ah, bah là, moi, ouais, une trentaine déjà. Ouais. Là, il y a une dame qui disait. On a vécu l'enfer. Ah oui, oh, il y a pire. Bon, allez, on y va pour l'invité mystère à découvrir ce matin. L'invité mystère à découvrir et à gagner, évidemment. L'iPhone 7. Tout à fait, Romano. L'iPhone 7 a gagné toutes les heures aux alentours de 20 chaque heure. Bon, allez, 6h17, on peut y aller? Ouais. C'est parti. L'invité mystère. Et un invité mystère exceptionnel à retrouver ce matin. Ça va être très facile, je vous le dis. Je vous donne pas d'indice. Je vais vous balancer sa voix dans un instant. Et je vous donne les numéros de téléphone. Je dis ça pour les nouveaux qui se branchent sur Skyrock tous les matins. Vous allez au 41-759. Ça, c'est par SMS. Vous allez, avec l'appli Skyrock, nous envoyer un message. C'est facile, vous téléchargez l'appli. Vous envoyez un message, c'est gratuit. Et sur le message, vous laissez bien votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Ouais, c'est important. Si c'est important, sinon on peut pas. Si vous trouvez qui est l'invité mystère, voici notre invité mystère. Alors,

qui m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Où on va, d'où on vient? Où on va, d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler. Vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller. Je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées. J'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Ceux qui pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. À la parole. Nous marchons à la parole. Nous marchons à la parole. On en a rien à foutre. Direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Il est 6h24 sur Skyrock. Dans allez, un petit peu plus de 5 minutes, on vous offre 1500 euros à gagner. C'est pour vous. Ouais. C'est parti pour l'invité mystère. Tout de suite, on va faire un petit tour du côté de Bourges. Et puis, on prépare également à 6h40 les conseils pas chers, les premiers de la matinée. Oui. Les conseils pas chers de ce vendredi. Encore de l'argent à gagner en ce vendredi. Hein. 1500 euros, conseils pas chers. Tout de suite, votre iPhone 6, 7, maintenant. Le 7, ouais. Et oui, on est passé au 7 depuis lundi. C'est pour Bastien de Bourges. Bonjour. Bonjour Bastien. Salut Bastien. Bonjour toute l'équipe. Salut Bastien. Salut. Salut. 18 ans, était berrurier. C'est comme ça, on dit les habitants de Bourges. Ah. Faut toujours étaler un petit peu sa culture quand on en a pas beaucoup. Hein. Alors l'invité mystère, je vous passe sa voix. Écoutez bien et tu nous donnes la réponse juste derrière. C'est lui. Il est content, il rit, il est heureux. L'invité mystère, le nom, c'est pas François Hollande pour non, GG non. du 42. C'est pas Kev Adams non plus pour Mickey du 94. Oh, Mickey. Mickey, qui nous écoute. Mais qui est. C'est pas Romano non plus. Non. Qui est. Oh, Romano, t'imagines, on t'a pris pour. Ouais, non, bah, je sais bien, bah, c'est gentil. Alors, on t'a pris pour qui? La bonne réponse, Bastien. C'est Cédric. C'est Cédric. Mais Cédric. Oui. Autre Cédric à nous, mais oui. Cédric de Skyrock qui est pas là ce matin, qui n'était pas là hier soir non plus. Justement, on va vous expliquer pourquoi vous êtes plus à avoir posé les questions depuis 6h du matin, ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir. On va vous raconter un petit peu ce qui est encore arrivé à Cédric. C'est Galerman, Cédric. Ouais. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est pauvre. Ouais, c'est monsieur Schkoumoun, il a qu'à bien se tenir parce que Cédric arrive. Plus de galères que Cédric. Eh bien, je sais pas, on n'a pas trouvé pour l'instant. Non, encore, pas encore. Hein. Dans l'équipe, non, il a le record. Dans l'équipe, il est pas mal. Bastien, bah écoute, grâce à Cédric, tu le remercieras d'avoir eu un petit accident. Ouais, je le remercie beaucoup. Cédric, si tu nous écoutes, bravo à toi. Tu as les remerciements, hein. Tu as les remerciements de Bastien pour ton accident de moto. Sinon, en plus, c'est mon anniversaire dans 11 jours, donc du coup. Eh ben, écoute, on t'offre déjà ton cadeau d'anniversaire. Ouais, mais on le souhaite pas. Ah, pourquoi ça porte la poisse? Ouais, c'est vrai, faut pas le souhaiter avant, oui. Ouais. On a de non, c'est bon. Dans l'équipe, c'est bon, ça va. Il y a déjà Cédric qui a eu un petit coup de poisse hier, donc pour toi, on va éviter. Mais l'iPhone 7, on te l'envoie quand même. Bravo. Bravo, Bastien. Bravo. Félicitations. Ah, Cédric. Cédric, un petit problème. Cédric en moto. Vous savez que la veille, c'est-à-dire mercredi soir, je le regardais sur sa moto et on était avec la Marie et Karim dans la voiture et on roulait et puis on le voyait qu'il faisait le kéké, que sa moto, il accélérait comme un fou. Après, il freinait, il freinait. En fait, il nous dépassait jamais parce qu'il se chopait chaque fois les feux rouges. Et je dis putain, mais il sait pas conduire. Et tout le monde était là. Ouais, c'est dangereux, il sait pas conduire. Le lendemain, bladadam. Voilà. Cédric. Hop. Voilà. Et pam. Donc, peut-être un truc à la clavicule, peut-être une fracture à la clavicule, on n'en sait pas plus. C'est ça, je crois. Mais a priori, ouais, il a la clavicule pétée. Hein. A priori, ça va, il est sorti de l'hôpital, tout va bien. Il vous embrasse. Je sais, c'est dur. Ah, cette heure-là, merci. Hein. Bah oui, je sais, Romano. Mais il sera de retour très très vite. J'espère, en tout cas, pour nous faire vivre des moments exceptionnels, comme les moments qu'on vit avec lui dans le clash de la drague. Avec par toi, exemple, Romano. Oui. Voilà. Cédric qui se prend des branlées continuellement ce moment. T'avais un petit extrait que tu voulais nous faire écouter. Oui, un petit extrait que j'ai sélectionné moi-même. Un extrait que tu as sélectionné d'un clash de la drague. Oui, c'est ça, Cédric dans ses œuvres. Allô? Ouais, bonsoir, comment ça va? C'est qui? Ben, c'est un ami, c'est un voisin. C'est qui, c'est un ami, c'est un voisin? Mais qui êtes-vous? Ben, c'est Marc, moi je m'appelle Marc. Et je voulais venir te voir, du trou. Hein? Je voulais venir te voir. Ah non. Allô? Oui. Ouais, je m'appelle Antoine finalement. Allô? Voilà. C'est Antoine au téléphone, tu vas bien? Voilà. Allô? Et bien voilà, une fois de plus Cédric exceptionnel, magnifique, magnifique dans son clash. Grande réussite. Ah ouais. On espère qu'il sera de retour ce soir. Eh ben soyez là à 21h, ce soir on est en direct avec j'espère le retour de Cédric et avec toute l'équipe de la Radio Libre. Hein, oui, tous au complet. Voilà, et toi ton nouveau téléphone, il arrive très très vite à la maison dès qu'il sort. On te l'envoie Bastia, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci, c'est sympa, merci. Très gentil. Bisous à toi Bastia, tu vas en cours, tu vas bosser, tu fais quoi toi? Non, bah là je suis au chômage en ce moment donc, ah ouais, donc tu te réveilles tôt quand même pour nous écouter, c'est gentil. C'est bien ça. Ah mais j'ai pas encore dormi. Ah tu écoutes Skyrock. Ah d'accord. Pas mal. Non-stop. Ah non-stop, t'as raison. Ah oui, ouais. Oui Cédric, il est content. Voilà Bastia, Cédric te salue. Voilà. Ah oui, je vois ça, ouais. Salut Bastia, ciao. En direct de Beaujour à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Already blew his shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Mike Posner sur Skyrock avec I Took a Pill in Ibiza, 6h30 pile sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil et bon vendredi. Ça y est, c'est le week-end. Et le week-end sur Skyrock, ça démarre avec le morning, évidemment. Ouais. Le morning du vendredi matin est peut-être 1 500 €. Pour bien démarrer le week-end, ça peut être sympa, ça. 1 500 € toutes les demi-heures, tous les matins. C'est pour vous. Vous pouvez vous inscrire au 7-20-20 en envoyant 1 500 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Sinon, bah, vous attendez tranquillement à la maison. On tire au sort aussi dans les annuaires. Et on vous demande quelle est votre radio préférée. Et dans ce cas-là, vous répondez. Non, c'est de non, ça marchera pas. On ne répond pas i. Non, on ne répond pas ou non plus. Ah. Non plus, on répond tout simplement Skyrock, mais oui. Tout simplement. Skyrock, et c'est 1 500 € à gagner, c'est dans un instant sur Sky. Et puis, vos conseils pas chers. Ah, on va parler de bondingue ce matin dans les conseils pas chers. Ouais, c'est ça, de bondingue, il y a un problème qui peut arriver si vous avez fait votre entrée, par exemple, à l'école. Ouais. Ou alors si vous avez des enfants qui sont à l'école, attention, les problèmes de rentrée arrivent. Oui, les problèmes de rentrée sont là. Il faut qu'on vous prévienne le matin sur Skyrock, vous avez bien fait de vous réveiller avec nous. Et le point sur l'actu, vous allez tout savoir, c'est l'heure maintenant, à 6h31 avec Rémi, de faire le tour de France, de la météo et le tour de l'actu aussi, tout ça en 2 minutes. C'est parti pour le temps du jour, ça va? Eh ben oui, ça va, ça plutôt va. Ensoleillé encore aujourd'hui. On a quelques nuages là ce matin de la Lorraine aux Pyrénées en passant par l'Auvergne. Des averses à prévoir aussi sur les Pyrénées et la pointe bretonne, mais de manière générale, il fait beau. Demain samedi, très belle journée sur la majeure partie du pays, hormis en Normandie et en Bretagne où la pluie va s'inviter, et puis ça ira mieux dimanche. Mais le ciel sera légèrement plus voilé sur toute la moitié nord. Les températures ce matin comprises entre 12 et 22 degrés, de 21 à 25 sur les côtes atlantiques et de la Manche, de 25 à 29 partout cet après-midi, avec des maximales jusqu'à 34 degrés dans le sud-est. Et puis la pollution, c'est moyen, avec des indices entre 3 et 5, 5 à Orléans, Limoges, Nîmes, Marseille, Lyon, Auxerre et Mulhouse. Et l'actu, comme premier, l'actu et le sport sur Sky. Une nuit de galère pour une trentaine de personnes bloquées dans le Mont Blanc. Un problème technique a causé l'interruption de plusieurs télécabines à près de 4000 mètres d'altitude. 60 touristes ont déjà été secourus. Les autres retrouveront la terre ferme dans la matinée. Les opérations commencent tout juste. Coast. Les naufragés de l'altitude seront hélitreuillés du côté italien du Mont Blanc. Une opération antiterroriste menée hier soir à Boussy-Saint-Georges dans l'Essonne, en région parisienne. Elle avait pour objectif d'interpeller trois femmes radicalisées, fanatisées même. Des messages d'alerte ont tourné en boucle toute la journée dans les gares desservies par la ligne D du RER. La menace d'attentat était apparemment imminente. Les trois femmes comptaient passer à l'action. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, un policier de la DGSI a été blessé au cours de l'arrestation. Ses collègues ont riposté et l'une des suspectes a été grièvement blessée à la tête. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz qui a été retrouvée le week-end dernier à proximité de Notre-Dame de Paris. Deux couples sont toujours en garde à vue. Les trois femmes interpellées ont commencé à être entendues au cours des dernières heures. Le détenu radicalisé qui a agressé deux surveillants de la prison d'Ogny dans le Val d'Oise mis en examen. Il est poursuivi pour tentative d'assassinat terroriste. Le forçat âgé de 24 ans a reconnu avoir voulu tuer un gardien au nom de Daesh. Il a été condamné pour avoir tenté de rejoindre la Syrie avec sa famille afin d'y faire le djihad. Un discours musclé contre la droite et surtout contre Nicolas Sarkozy. François Hollande s'est exprimé hier à la Salvagram à Paris. Une intervention sur la démocratie et le terrorisme aux accents de campagne électorale. Le président s'est moqué, sans le nommer, des ennuis judiciaires de son prédécesseur. Réponse quelques heures plus tard du principal intéressé qui assure qu'il ne sera jamais le président de l'impuissance. On parle sport maintenant avec une première médaille aux Jeux Paralympiques et du foot. Ouais, la Ligue 1 avec le début de la quatrième journée. Gros match ce soir puisque Paris reçoit Saint-Etienne au Parc des Princes. Une belle affiche dès 20h45 que l'on suivra en live dans la Radio Libre. Et puis un coup de chapeau à Sandrine Martinet. La Française débloque dès la première journée le compteur des médailles pour les Bleus aux Jeux Paralympiques. La Mâconnaise a décroché l'or en judo, catégorie des moins de 52 kilos. Elle est moelle-voyante de naissance et attendait de remporter ce titre depuis 12 ans. Mâconnaise, je le disais, est félicitée par un autre Mâconnais, Antoine Griezmann. Très bien, on est à fond dans la Bourgogne ce matin. Ouais. Merci Rémi pour les infos. On t'entend tout à l'heure à 7h. À tout à l'heure. Il est 6h34 sur Skyrock, c'est le morning. Check. Dès 6h. Le début, oui. Ils sont déjà en pleine forme. C'est les conneries à la radio, ça. C'est le morning de Diffoul sur Skyrock. Et ouais, c'est le morning qui vous réveille tous les matins. Merci de vous réveiller avec nous sur Sky. On prépare l'horoscope de l'amour aux alentours de 6h45. Juste après, on fera le sondage du jour. Et aujourd'hui, dans le sondage du jour, on va parler French Kiss. Mm-hmm. On va parler des bisous avec la langue. Et un bisou. Un bisou, comme dirait Jules. Oui, c'est ça. Un bisou. Donc les bisous avec le sondage du jour. Et évidemment, vos conseils pas chers. Tes conseils pas chers, Romano. Ouais. Avec un truc qui cartonne à Dubaï. À Dubaï. À Dubaï. On va aller à Dubaï. Tu parles comme Cédric ce matin. C'est bien, tu lui rends hommage. C'est bien, Romano. À Dubaï, et un problème que peuvent avoir les élèves français. Mais pas que les élèves en plus. Hein. Oui, tout le monde. En gros, on va parler des poux et on va aller faire un tour dans un salon de coiffure un petit peu spécial à Dubaï. C'est dans un instant. Dites-nous si vous avez déjà eu des poux. Toi, Romano, au moins, t'as cet avantage, t'en auras jamais. Non. Parce qu'un poux, il sait pas où vivre sur ta tête. Non, je pourrais avoir des morpions. Les poux de Zizi. Les poux de Zizi. C'est vrai, les poux de Zizi aussi. Donc, si vous avez eu des poux de Zizi ou des poux de tête, vous pouvez nous dire s'il y en a si vous en avez déjà eu dans votre bahut. Moi, je me rappelle, dans le bahut, il y avait eu une épidémie une époque, mais moi, j'en ai pas eu. Ouais, mais en maternelle, moi, pareil, en primaire aussi. T'en avais eu? Non, j'en ai jamais eu, non. Ah, bah, t'étais chauve, oui. Non, mais j'ai des cheveux à un moment donné. Des chauves quand t'étais pas chauve? Ah, bah, j'avais grave des cheveux. À la maternelle, quoi. Ah, chevelure. C'était comme Justin Bieber à l'époque. J'étais abéchu. Tiens, justement, Justin Bieber. On va l'écouter avec DJ Snake avant 7h du matin. On aura le gros son de Panda. Panda, ouais. C'est Designer qui va nous faire ça. Et Ken Jones qui arrive tout de suite après, vaut 1500€ sur Skyrock. Comment gagner 1500€ en moins d'une seconde? Skyrock. En répondant Skyrock. Morning Show. Et oui, et hier matin, à 7h06, ça tombait chez Tariq à Argenteuil. Salut Tariq. Ouais, Tariq, bravo. Et Amar, nos deux livreurs qui ont gagné 1500€. Ouais. Et là, ça va peut-être tomber chez vous. On va dans le 17. Le 17. Charente-Maritime. Exactement. Et on va à Royan ce matin. Quelqu'un qui a été tiré à Royan, c'est qui? C'est Jean-Paul Catherine. Donc son nom de famille doit être Catherine, je pense. Ou c'est Madame Jean-Paul, on va voir. Non, je crois que c'est Madame... Monsieur Catherine. Eh ben, tu vois, j'aimerais pas m'appeler Monsieur Catherine. Il y a un chanteur, là. Philippe Catherine. Ouais, à l'ancienne. Ah oui, qui est complètement amoché. Ouais. Oui, c'est celui qui boit, non? Celui qui boit et qui conserve ses cacas dans des... Ah. Dans des frigos. J'espère que c'est pas sa femme qu'on va avoir au téléphone, parce que ça craint. Bonjour. Vous Oula. Êtes sur la messagerie de Jean-Paul et Odile Catherine. Ah, c'est Odile. Laissez-nous votre message et nous vous rappellerons dès que possible. Merci. À bientôt. À bientôt, Madame Catherine.

pas, des enfants qui ont des poux, vos petits frères, vos petites sœurs qui ont des poux. Eh, ils ont une fortune sur la tête à Dubaï. Hein. Ah ouais, ouais. 4 euros le poux. Récupérez-les. Hein. Oui. Alors qu'est-ce que tu fais, Romano? Tu récupères des poux? Tu fais quoi? Eh ben, ce matin, je vais proposer aux gens soit de leur installer des poux sur la tête. Oui. Bon courage. Ou sinon, je vais les traiter. Ah, traitement anti-poux. Ouais, traitement anti-poux, ouais. Je vais pas appeler des gens et les traiter, hey, connard. Oui, tu fais ce que tu veux, Romano. C'est tes conseils pas chers. Allez, c'est parti. À la maternelle, il carottait déjà des couches. En primaire, des Pokémon. Je laisserai pas me voler mes Pokémon. Au collège, des portables. Au lycée, des capotes. Et aujourd'hui, la France entière. Oui, ben vous voulez que j'appelle les flics? Romano, le roi des escrocs. Allez, c'est parti. Les conseils pas chers avec des numéros de français pris au hasard. Romano, bonne chance pour tes conseils de ce matin. Alors, qui est-ce qu'on appelle? C'est Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul. Oh, quel homme. Bah, quel homme, on va voir. J'espère qu'il a des cheveux, qu'il a des poux, sinon je le traite. Mais tu le traites comment? Parce que... Bah, avec des produits. Connard. Ouais, connard de Jean-Paul. Alors, on appelle Jean-Paul. Pas ça. Jean-Philippe. Jean-Philippe, on passe à Jean-Philippe. Jean-Paul, ne décrochez pas. Écoute. Oui, bonjour. C'est Jean-Philippe? Oui. Oui, ça va? Oui. Oui, je te dérange pas, là, t'es pas sur le trône. Non, non, pas du tout. Non, non, parce que j'avais l'impression que t'étais en train de pousser. Écoute. Bon, dis voir, mon petit Jean-Philippe. Oui. T'as des cheveux? Ah ben oui, et dis-moi voir ton nom. Monsieur Lapin, c'est à l'appareil, je suis coiffeur. Est-ce que t'aurais des poux éventuellement en stock sur la tête? Ah, j'en ai, oui. Oui, j'en ai. Ben, je vais venir les récupérer ce matin. Eh ben, t'as qu'à passer. Eh ben, je... ma main dans la gueule, pas tard. Ah, pas tard. Ben, moi, je te passerai la main dans les cheveux, je récupère des poux comme ça. Mmh. Ouais. Et après, je les mettrai sur la tête de ta femme pour bon, ben, si t'as rien d'autre à dire, et puis, eh ben, tu fermes ta gueule. Oui. Et puis, tu passes. Je te ferai voir comment que je m'appelle, moi. Ben, tu oui, t'appelles Jean-Philippe. Jean-Philippe, et tu es un pouilleux. Oh. Ah oui, s'il a des poux. C'est pouilleux. Ben, oui. Jean-Philippe le pouilleux. Oui. Oui, c'est ça. Jean-Philippe le pouilleux. Ah ben voilà. Je savais bien que c'était toi. J'arrive dans 5 minutes, donc je récupère les poux et tu me donneras 50 euros. Y'a pas de souci. Eh ben, j'arrive. Merci, mon Jean-Philippe. Eh. Bravo. Gros bisous. Et là on appelle l'ambassade de Dubaï et on leur revend les pouces. Et voilà. Pas mal à 4 euros le pour Mano, mais ah, ça vaut le coup. Hein. Merci Jean-Philippe, il était c'est, très bien. C'est Jean-Philippe Pouilleux. C'est Jean-Philippe le Pouilleux, il l'a dit lui-même. Oui, on serait cru dans les visiteurs. Oui, Jean-Philippe le Pouilleux. Jean-Philippe le Pouilleux, vas-y, touche pas boss. Oui, allez, les courbettes. Donc le prix d'un pou à Dubaï dans le salon de coiffeur dont tu nous parlais, c'est 4 dollars. T'as récupéré les poux de Jean-Philippe, tu lui fais pour 50 euros, 50 euros, après tu vas revendre. Pff, non, ça... mais ça va, il y a de la marge. C'est un conseil pas cher que tu te fais au moins 100. Ouais, en plus, Dubaï, ils ont plein d'argent, je vais leur revendre bien cher. Ouais, bien joué. Je vais dire, c'est des poux made in France. Il y a vraiment des gens qui sont complètement amochés, hein, moi je trouve. Ah, ben complet, ouais. C'est ce que nous dit Mélanie là sur SMS. Les gens sont fous. Hein. Bah, il y avait bien Kim Kardashian qui se mettait des sangsues sur le corps. Oui, c'est vrai, non, mais. C'est vrai. Vu dans quel état elle est, la Kim. Hein. Et qui s'était fait aussi un masque avec le placenta de son enfant. Je sais pas quoi, elle est. Eh ouais. Eh bien, on n'est pas au bout de surprise et ça ne fait que commencer en plus. Le morning avec dans un instant le sondage du jour, ce qui concerne les bisous. Oui, bisous. Les bisous sur la bouche, le French kiss, comme on dit. On s'en occupe et on va beaucoup d'amour dans l'émission, tiens, dans le quart d'heure qui vient. Et on s'occupe également de l'horoscope de l'amour. L'horoscope, c'est dans, allez, moins d'une minute sur Skyrock. Il est 6h45 et DJ Snake arrive avec Justin Bieber aussi. Leclerc. Ouais, vive la rentrée! 40% de réduction immédiate chez Leclerc! Enfin, Philippe, c'est quoi tout ce raffut? Ah, bah 40% de réduction immédiate en ce moment chez Leclerc et sur de nombreux produits. Des rentrées comme ça, moi j'adore. Ah, bah dis donc! Est-ce que quelqu'un aurait envie de quelque chose? Je vais faire un saut chez Leclerc! C'est parce qu'à la rentrée, on a encore envie de se faire plaisir que chez Leclerc, du 6 au 17 septembre, vous bénéficiez de 40% de réduction immédiate sur de nombreux produits. 20 modalités dans les magasins participants. Ah, c'est vrai que 40%! Voilà! Vive la rentrée chez Leclerc! Ça veut dire quoi être cool pour Darty? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un lave-linge à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, du 8 au 15 septembre, le lave-linge 10 kg Thomson TW 1016 est à 549 euros seulement, au lieu de 699, soit 150 euros d'économie. Allez hop, horoscope de l'amour, 6h47. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. On va voir comment on va terminer la semaine, comment on va démarrer le week-end avec la puissance amoureuse de tous les signes. On démarre par les Sagittaires et les Lions. Ouais. Alors, vous avez zéro aujourd'hui. Vous êtes deux signes de feu et pourtant, on vous trouvera un petit peu froid aujourd'hui. Mettez un petit peu de chaleur dans vos rapports avec les autres et tout ira mieux, Sagittaires et Lions. 1 sur 5, les Poissons et les Balances. Évitez de dire ce que vous pensez aujourd'hui. Ça risque de vous amener des problèmes. On passe aux Capricornes et aux Vierges. On a 2 sur 5. Vous réfléchissez à ce que vous voulez et vous, à ce que vous voulez pas en amour. Aujourd'hui, c'est une journée de réflexion. C'est pas la journée de l'action. L'action, c'est pour ce week-end. Bon. 3 sur 5, les Verseaux, tout petits. Oui. Et les Gémeaux, vous avez 3. Une journée cool et sereine sur le plan sentimental. Aucune prise de tête à l'horizon. Tout va bien. 4, eh ben c'est encore mieux pour les Taureaux et les Béliers. C'est votre joie de vivre qui agira comme un aimant sur les autres, notamment pour les célibataires qui auront des possibilités de serrage aujourd'hui. Et 5 sur 5, les Scorpions et les Cancers. Si vous êtes célibataire et en solo, vous saurez exactement quoi faire pour attirer dans vos filets quelqu'un qui vous plaît. Et sinon, en couple, le week-end promet d'être très très très très chaud et ça va commencer dès aujourd'hui, dès vendredi. Bah c'est bon ça. Et l'amour continue à avoir la parole sur Skyrock. On va parler des baisers, des bisous sur la bouche, des pelles et également des galoches. Ouais. Romano, et oui, le French kiss. Et on a un sondage ce matin, on est tombé là-dessus, ça nous a fait rigoler. C'est un sondage sur les baisers qui dégoûtent. Est-ce que vous êtes déjà tombé, je sais pas, les gars, sur une fille qui faisait des bisous, mais genre par exemple, vous avez le gros bisou baveux, c'est-à-dire qu'elle vous nettoie le visage quand elle vous embrasse. Ah, ça dégoûte un peu, ouais. Ou alors la même chose pour les filles, hein. Les filles, les gars, tout le monde peut témoigner, vous nous dites. Les baisers qui dégoûtent, eh bien, on a le classement et on va vous en reparler dans un instant sur Skyrock. Mmh. Sondage du jour après Justin Bieber et DJ Snake sur l'album de DJ Snake. On écoute un son que vous avez découvert sur Skyrock. On était les premiers à vous le jouer cet été là. Let Me Love You sur Sky. Un bisou. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Snake et Justin Bieber. On écoutait Let Me Love You sur Skyrock en ce vendredi matin à 6h52. Et tous les matins, on découvre le sondage du jour. Aujourd'hui, c'est un sondage sur l'amour. On s'est dit, c'est le week-end. On va essayer de serrer, en tout cas pour les célibataires. Ouais. Ou alors, on va partir en amoureux pour les amoureux. Oui. Eh bien, on va faire des bisous. Des bisous. C'est parti pour le sondage du jour. Le sondage qui concerne les baisers qui dégoûtent. Mais oui, on est tombé là-dessus. C'est une étude mythique. Ouais. Le sondage mythique du jour, c'est sur Skyrock, dans le morning, évidemment. Oui, Romano, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ? Non, mais j'étais en train de m'inscrire au 7-20-20 pour les 1500 euros. Non, mais ça suffit, tu peux... Oui, bah écoute... 7-20-20, on appelle dans 10 minutes pour les 1500 euros. Bah justement, je m'inscris maintenant. Hein. Bon, vous vous inscrivez si vous voulez au 7-20-20, vous vous inscrivez, vous envoyez 1500 au 7-20-20. Est-ce qu'on peut faire le sondage du jour ? C'est bon, c'est parti, je suis inscrit. Allez. Le sondage du morning de Default sur Skyrock. Alors, notre sondage du jour, les baisers qui dégoûtent. Cariol, t'as un souvenir d'un mec qui savait pas du tout embrasser? Oui. Ouais, putain, moi aussi, des meufs qui savaient pas embrasser, je te dis, l'autre qui me lavait le visage. Ouais, mais moi j'ai eu pareil. Hein. Ah, ça, c'était les yeux, il me touchait les yeux avec la langue. Oh là là, mais c'était quoi, c'était un chien? Non, mais le mec, il avait un problème. Non, elle sortait à l'époque avec un Doberman. Oh non. Non, mais attends, comment t'es là? Mais le mec, il avait une langue de lézard. Mais c'était un des premiers baisers, tu vois, il savait pas trop, je pense. Moi non plus d'ailleurs, hein, mais c'était pas bon. Les baisers qui dégoûtent. Eh ben oui, ça, c'est les baisers qui dégoûtent. Alors, Mythique a demandé, donc, en citant quelques baisers, quels sont les baisers qui dégoûtaient le plus? Alors, en 4, ils disent le baiser qui dure trop longtemps. Ouais. Alors, il y a que 24% des gens qui ont dit que ça pouvait être désagréable, un baiser qui dure trop longtemps. Bah, c'est quoi qu'ils appellent longtemps? Parce que, ouais, une heure, c'est long. Ouais, par exemple. Je sais pas, c'est pas écrit en apnée, quoi. Voici donc maintenant les trois premiers baisers qui dégoûtent le plus. Les trois premiers baisers? Oui. Alors, en 3, le baiser trop baveux à 32%. Ah, seulement. Ouais. Seulement, ouais. Seulement. C'est vrai. Il y a que 32% des gens qui ont dit que ça les dégoûtait. Ah, les gens aiment les trucs à l'escargot. Ouais, c'est ça, ouais, de la baffe. Oui, numéro 2, le baiser alcoolisé. Alors là, attention, ça monte. Si vous êtes des alcooliques, attention les gars, attention les filles. 63% des gens ont dit que le baiser alcoolisé, ça dégoûtait. Bah, sauf si les deux sont alcoolisés. Ouais, bah, c'est les 37% qui restent. Voilà, ouais, c'est les 37% qui restent sont alcooliques. Eux, le baiser alcoolisé les dégoûte pas. Et le baiser qui dégoûte le plus, d'après vous? Bah, quand tu pues de la gueule, non? Eh ouais, le baiser, mauvaise haleine. 96% ont dit que ça les dégoûtait. Bah, ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il y en a 4% qui ont dit que ça les dégoûtait pas. Bah, moi, bon, je vais pas rentrer dans ma vie privée, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'embrasser une meuf en discothèque juste après avoir vomi. Hein, ça n'a pas l'air juste. Non, mais écoute. Elle était contente? Est-ce qu'elle était heureuse? C'est bon, en même temps, quand je l'ai embrassée, je lui ai pas dit, ouais, j'étais en train de vomir 5 minutes avant aux toilettes, là. Mais ça l'a absolument pas dérangé. Hein. Bah, voilà, donc. Elle fait partie des 4% Romano que ça ne dérange pas. Bah voilà, j'en ai connu une. Le baiser mauvaise haleine. Donc, les trois baisers qui dégoûtent le plus. Baiser mauvaise haleine, baiser alcoolisé, baiser trop baveux. Merci Jules avec le bisou. Mon bisou. Voilà. Bisou mauvaise haleine. Bisou mauvaise haleine, oui. Bon, on fera un remix un jour. 6h55 sur Skyrock. Vos 1500 euros, on vous en parlait. Ben, ils arrivent dans un instant. 1500 euros à gagner. Et puis, on avait promis aussi d'écouter le son du panda. Le son du panda, c'est designer. Panda. Et ben, il arrive tout de suite sur Skyrock. Du gros son pour se réveiller, de la thune à gagner, votre iPhone 7 à choper tout à l'heure. Et puis, ben, les infos de Rémi qui arrivent aussi tout de suite. 7h-5. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis paumé là. T'es paumé là? C'est quoi encore ce méli-mélo? T'es chez Lidl? Oui, et pour nous c'est pas un mélo, hein. C'est un drame patron. Aujourd'hui et demain, ils nous ont mis le pomelo à 69 centimes la pièce. Le pomelo à 69 centimes pièce chez Lidl? Bon, c'est pas gagné. Ah, c'est paumé là, oui. Et c'est le vrai prix, hein, 69 centimes. Ben ça suffit, t'y vas mollo sur le pomelo, ok? Ok patron, on est mal, je sais, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Afrique du Sud. Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un poulet fermier Label Rouge Origine France, le deuxième est offert. Oui, le deuxième poulet fermier Label Rouge Origine France est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Au rayon volaille traditionnel, la gratuité s'applique sur le moins cher des deux. Gentlemen,

Ouais, c'est ça. Ouais, New York en Normandie. Voilà, c'est ça. Pour vous dire dans quel état il est, le garçon, là. Les infos avec Rémi, 1500 euros. Et puis, le réveil de star du jour. Ah ouais, on a fait un test ce matin. On a décidé d'envoyer un dingue chez les familles. Ouais. Le dingue, il est passé hier soir à la télé. Sur C8. Je sais pas. Si, C8, ouais. Ça s'appelle C8, c'est vrai. Ouais, c'est, bon, anciennement D8. Ouais, c'est lui, le dingue qui va réveiller les familles de France. Salut-vous! Voilà, vous avez vu dans quel état il est, déjà, hein. Ça gaze, les loulous! Ça gaze ce matin. Ah, ça gaze bien, ouais. Ouais, ouais, c'est, vous avez vu. Ça soit bien été dire que tout me plaît. C'est The Mask. Ouais, Jim Carrey. Le monsieur vert, là. Il arrive, et ben, après les infos, après les 1500 euros. Et après Soprano aussi, qu'on vous prépare. Le diable s'habille plus en Prada. Et Rémi s'habille avec des t-shirts américains. Yeah! Ouais. Allez, yeah. Les infos, la météo. Yeah, Liga. Yeah. C'est parti. La météo. Oui. C'est ça? Ouais, bah, un temps ensoleillé aujourd'hui. En français, s'il te plaît. En français. Là, je peux vous la faire en américain, si non, non, non, non, c'est bon, merci. On n'est pas sur Hot 97. Des nuages tout de même de la Lorraine aux Pyrénées en passant par l'Auvergne. Quelques averses sont d'ailleurs à prévoir sur les Pyrénées, la pointe bretonne. Demain, samedi, très belle journée sur la majeure partie du pays, hormis en Normandie et en Bretagne où la pluie va s'inviter. Et ça ira mieux dimanche, mais le ciel sera légèrement plus voilé sur toute la moitié nord. Pourquoi tu rigoles pour la Normandie? Oui, pour la Normandie, ouais, oui. Bon, ouais, bah, voilà. Tu leur pâtes la poisse. Bah, écoute, on fait ce qu'on peut, hein. Oui. Les températures comprises ce matin entre 12 et 22 degrés, de 21 à 25 sur les côtes atlantiques et de la Manche, de 25 à 29 partout cet après-midi avec des maximales jusqu'à 34 dans le sud-est. Et puis la pollution s'est moyenne encore avec des indices entre 3 et 5. 5 à Orléans, Limoges, Nîmes, Marseille, Lyon, Auxerre et Mulhouse. Et l'actu, toute l'actu et tout le sport sur Skyrock, c'est parti. Et ils attendent avec impatience leur délivrance. La nuit a été très longue pour une trentaine de personnes bloquées dans le Mont-Blanc. Un problème technique a causé l'interruption de plusieurs télécabines à près de 4000 mètres d'altitude. 60 touristes ont été secourus. Les autres retrouveront la terre ferme là dans les prochaines minutes, puisque les opérations ont commencé il y a une demi-heure. Ça risque d'être un petit peu long quand même, puisque vous l'imaginez, c'est délicat. Des naufragés de l'altitude donc qui seront élitreuillés du côté italien du Mont Blanc. Ils sont tous en train de chanter là-bas. Ah, le cauchemar. Bientôt, bientôt. Bon. Vive ta gueule. Merci, monsieur. À deux, ça peut être une expérience sympathique, ceci. Ouais, mais là, ils sont un peu plus, quand même. Ah oui, quatre maximum. Oui. Bon. Une opération antiterroriste menée hier soir dans l'Essonne, en région parisienne, à Boussy-Saint-Antoine. Elle avait pour objectif d'interpeller trois femmes radicalisées. Des messages d'alerte ont tourné en boucle toute la journée, dans les gares desservies par la ligne D du RER. La menace d'attentat était apparemment imminente. Finalement, trois femmes qui comptaient passer à l'action très rapidement ont été interpellées. Un policier de la DGSI a été blessé au cours de l'arrestation. Ses collègues ont riposté. L'une des suspectes a été blessée à la tête. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz qui a été découvert le week-end dernier à Paris. Deux couples sont toujours en garde à vue. Les trois femmes interpellées ont commencé à être entendues au cours des dernières heures. Les familles des victimes des attentats de Nice, bientôt reçues au Vatican. Le pape François les rencontrera au cours d'une audience privée le 24 septembre. Tout le monde sera le bienvenu, sans distinction de religion. C'est la ville de Nice qui prend en charge le transport en bus jusqu'à Rome. Une disparition inquiétante dans le sud-ouest. Une jeune femme de 17 ans n'a plus donné signe de vie depuis mercredi. Elle a disparu entre Agen et Bordeaux. Emeline, c'est son prénom, est connue pour sa fragilité. Elle était hospitalisée depuis le mois dernier et avait une autorisation de sortie pour passer un examen. On parle sport maintenant avec la Ligue 1, évidemment. Et puis Paris qui aurait loupé un transfert. Ouais, le début de la quatrième journée, c'est ce soir. Gros match puisque Paris reçoit Saint-Etienne au Parc des Princes. L'affiche est belle, PSG à SSE. Une belle affiche donc dès 20h45 que l'on suivra en live dans la Radio Libre. Et puis les Parisiens qui peuvent nourrir des regrets. C'était une rumeur qui s'est confirmée. Neymar aurait pu venir vraiment au PSG. L'attaquant brésilien a envisagé de quitter le Barça avant que son contrat ne soit prolongé jusqu'en 2021. Des discussions très poussées ont eu lieu avec Paris qui était prêt, tenez-vous bien, à payer sa clause libératoire de 190 millions d'euros et surtout à lui offrir un salaire de malade de 40 millions d'euros par an. À coup sûr, Paris n'a pas encore dit son dernier mot vu la force de frappe financière et les prochains mercato risquent d'être passionnants, même si certains disent que celui-là est un petit peu raté. Ah bah celui-ci, oui, ils auraient acheté pas grand-chose. En tout cas, si Ben Arfa, c'est pas mal. Oui, oui. Bon, merci Rémi pour les infos. On te retrouve tout à l'heure. Ah, c'est pas Neymar, quoi. C'est oui, pas voilà. Neymar, non, ça non. C'est sûr. 7h05 sur Sky. Chaque matin, le morning de Difool te réveille en direct de l'appart de Difool. Bon, je vous fais visiter vite fait. Ici, c'est la cuisine où Difool essaie encore de faire du café. J'ai du café partout et le standard aussi. Romano, là, il est en train de. Voilà. Cariole est sous la douche. Et dans la salle à manger, il y a Cédric et Rémi en train de bouffer tous les croissants. Oh non, sérieux les gars, non. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Voilà, Rémi a eu les croissants pour lui tout seul ce matin. Ah, il est content. Hein. Voilà, on embrasse Cédric. C'est un petit accident de moto. Hein, si vous venez de vous réveiller, que vous n'êtes pas au courant, vous ne l'entendez pas ce matin. Petit accident de moto. Bon, ça nous fera un petit peu de vacances, mais on l'embrasse. On te fait un bisou, Cédric. Mais tout va bien. Ouais, oui, ça va. J'imagine, je lui ai fait un bisou à Cédric. C'est magnifique. Hein. Et tu me fais baiser. Non, Cédric. Cédric. Je te fais un bisou. Ouais, juste un bisou. Hein. Bon, allez, un bisou. Il est 7h06. Dans un instant, sur Skyrock, Soprano. Il a très très vite vos 1500 euros. Juste avant le réveil de Star. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Mais où est mon enveloppe, Roman? Bah, c'est moi qui l'ai. Ah oui. Non, mais c'est une vraie. Hein. Oui, mais je me méfie. On me l'a remis officiellement. Alors, l'enveloppe des 1500 euros et toutes les demi-heures, 1500 euros à gagner. Alors, allez. Mais pourquoi c'était toutes les heures l'année dernière, les 1500 euros? Ah bah oui, cette année, c'est toutes les demi-heures. Parce qu'on est très généreux. En tout cas, on s'est dit ça pour la rentrée, pour bien démarrer la rentrée, pour la bonne rentrée, 1500 euros à gagner. Et attention, direction le 26, la Drôme. Voilà, et Cédric a juste une petite clavicule cassée, il nous demande si c'est grave, tout ça. Non, elle est sortie de l'hôpital, on l'a eu cette nuit. Oui. Alors, on va dans la Drôme. Dans la Drôme, donc dans le 26, à Valence, plus précisément. Oui. Chez Ingrid Matevet. Ingrid. Ingrid. Ingrid Matevet. On lui passe un coup de fil, on va lui demander quelle est sa radio préférée. Si elle a la bonne, elle repart avec 1500 euros. Et ça sonne. Et ça sonne. 5 sonneries maximum pour Ingrid McVeigh. Ingrid. Allô, allô. Oui, allô. Bonjour, oui. Ingrid. Gringrid. Oui. Qui est-ce? C'est, n'en aie pas peur. C'est la radio, Ingrid. Oui, c'est la radio. Oui, on est en direct à la radio, on t'a tiré au sort. Et on t'appelle ce matin à 7h08 pour t'offrir 1500 euros. Ingrid. Oui. Oui, Ingrid, c'est moi-même. Ne t'inquiète pas, c'est Romano, il est très excité. Hein. Ingrid, il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Alors, ma radio préférée, c'est Skyrock. Ingrid, tu viens de gagner ce matin, dis donc. Bravo, Ingrid. 1500 euros, Ingrid. Bravo. Ouais. Je suis trop contente. Merci. Ah, bah, tu m'étonnes. Ah, bah, c'est super, Ingrid. Vendredi matin, tu gagnes 1500 euros en direct sur Skyrock. C'est pas beau, ça? Eh ben, je suis la plus heureuse. Ah. Eh ben, nous aussi, tu nous mets du bonheur dans le cœur. De vous entendre heureux le matin, ça fait plaisir. Je vais mettre du bonheur à mes enfants, surtout. Oh, très bien, t'en as combien? Oh, j'entends les enfants derrière. J'en ai 4. Ah, oui. Ah, ouais. Ah bah t'as bien bossé, tu mérites tes 1500 euros. Ah ouais. Mais t'as quel âge, Ingrid? Ingrid, j'ai 36 ans. Ah bah t'as bossé comme t'as bossé. Ah ouais, comme t'as bien bossé, fin, ouais. Bravo, bravo Ingrid, bravo. Ah bravo, bravo. Ouais, ouais. Ah, bossé de 1500 euros. Donc j'imagine en que tout tu cas, je vous remercie. Trop, je suis trop contente. Tu sauras sans doute quoi en faire des 1500 euros avec 4 enfants, ça va vite partir tout ça. Ouais, c'est clair. Oh oui. Il va être content. Fais-toi plaisir à toi aussi, Ingrid. Super tout ça. Oui, merci. Merci beaucoup en tout cas. Beau chèque de 1500 euros. T'as acheté un œil sur le temps qu'il fait à Valence? Fait beau ce matin? Bah là, il fait très beau et je pense que ça va continuer toute la journée avec votre appel. Oui. Limite, il peut pleuvoir. Il peut neiger, ah oui, tout va bien. Il peut grêler, des éclairs et tout, c'est pas un souci. Voilà, 1500 euros. Trop ravi. Eh ben, ça franchement, merci beaucoup. Et mes enfants sont à côté, ils sont comme des dingues. Salut la famille. Ah bah bravo. On vous embrasse. 1500 euros pour Ingrid et peut-être pour vous tout à l'heure. Tu quittes pas Ingrid, hein, on te reprend, on prend tes coordonnées. Le chèque arrive très vite. Merci beaucoup en tout cas, merci. À bientôt. Bisous Ingrid. Ciao, Ingrid. Bisous, Ingrid. Bisous à tous. Bisous à toi. Tout ému, Ingrid. Bah, tu parles, elle a gagné 1500 euros. Ce sera peut-être pour vous tout à l'heure dans une demi-heure. 1500 euros à gagner. On vous appelle, vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de default sur Skyrock. Oh oui, c'est Soprano. On vous offrira Soprano aussi tout à l'heure, hein, en tournée avec Skyrock dans toute la France. Forcément près de chez vous, et des places de concert à gagner. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Le diable s'habille plus en Prada, Soprano sur Skyrock, vos places de concert tout à l'heure à gagner, et même toute la journée à gagner jusqu'à ce soir, jusqu'à la radio libre, ouais. À n'importe quel moment sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock, Skyrock. Et 1 500 euros qui sont tombés, qui en tomberont peut-être tout à l'heure. Inscrivez-vous au 7-20-20, vous avez 1 500 au 7-20-20 si vous voulez aider un petit peu la chance et augmenter vos chances de gagner. Tirage au sort tout à l'heure, 7h30, on se prépare, et là, j'espère que vous êtes prêts. Prêt. Il arrive, c'est The Mask. Jim Carrey. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de Star sur Skyrock. Oui, The Mask, Splendid. Splendid. C'est le film qui est passé hier soir à la télé, The Mask. Et on s'est dit ce matin, si on met des familles en contact avec The Mask, elles vont trouver ça bizarre, parce que le monsieur est quand même un petit peu chelou, hein. Salut vous. Salut. Mais il est complètement taré, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc on s'est dit, qu'est-ce que ça peut donner? On a fait le test et vous allez voir ce que ça va donner. Réveil de Star avec The Mask. Et The Mask qui réveille Patrice ce matin. Attention, Patrice, c'est la petite surprise du matin sur Sky. Allô ? Salut, vous ! Oui, bonjour ! Ça casse, les loulous ! Ça va, et vous ? Splendide ! Et qui c'est ? Qui c'est ? Benjamin Franklin, Ulysse Grant et Andrew Jackson ! Je comprends pas, là. Je souhaite te dire que tout me plaît. Tu rigoles ou quoi ? Que je vais te chanter una canzone d'amour, oh sole mio. Ah bon? Catarina, Catarina, chic, chic, ah, ah, ah. Ah ouais, mais écoute, tu iras voir quelqu'un, parce que moi, je suis pas de ton domaine, là. Un petit baiser, chérie. Que je vous ferai voir ma grosse gondole. Et ta sœur? Non. Oh, tu sais, j'ai un collègue, c'est un gros... Il en a une grosse. Si tu t'attrapes, il te démonte. Voilà. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. T'entends? Ah, voilà. Ah ben, t'as que venir, je te présente mon collègue. Réserve ta soirée, cocotte. Au chant du coq, tu passes à la casserole. Ouais, mais tu es un fada, tu sais que tu es un fada. Mon premier tour de magie, ce sera pour toi, mon Lolo. Oh, dis-moi, mais t'as que venir, tu vas voir. Tu tombes bien, mon loulou, j'ai remonté ma pendule. Oui, alors? Dans 2 secondes, je te fais couiner le nez et je te fous ton calbar sur la tête. Elle va te faire enculer, hein, connard. Voilà. Un peu de courage! Personne n'aime les loupards effarouchés. Allez, approchez! Tu sais que j'ai un rôle de vénère aussi. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ah ouais, mais moi je vais t'enculer, connard. Allez, dégage, tu me pompes l'air. Splendide. The Mask et Marseillais. Ce matin, sur Skyrock. 7h16. Dans un instant, on va jouer ensemble. On joue avec DJ Roro. Eh oui. Eh oui, DJ Roro qui débarque sur Skyrock. On va tester nos connaissances musicales. Après, eh ben, gros son maintenant. C'est parti pour Madcon. C'est bien ça. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. Bah oui, c'est bien. C'est Begin. Skyrock version. Oh là là. En plus, Skyrock Ladies version. Ladies and gentlemen, we are Madcon. We are Madcon. Right here on Skyrock. This is the greatest rap group in the universe. Madcon. Skyrock. It's rapping on beat nonstop. Skyrock version à 7h20 et okay. DJ Roro est là avec nous ce matin. On va tester nos connaissances musicales comme tous les vendredis. C'est l'heure du grand mix de DJ Roro. Allez, c'est parti mon kiki. Il a formé David Guetta. Ok, ouais. Enfin c'est ce qu'il raconte hein. Voici DJ Roro sur Skyrock. Oui, DJ Roro, salut à toi DJ Roro. Bonjour, comment vous allez? Bien. Ça va bien, ça va bien. Ok. Une chanson à découvrir, il va vous la chanter. Oui, au début il chante, après il mixe. Hein. Oui, c'est ça, je suis un DJ polyvalent. Oui, c'est bien, il a de la voix, il a des mains, il mixe, c'est la folie. J'ai mix, j'ai la machine à fumer. Je mets toujours trop de machines à fumer. Ah, hein. J'ai de la musique de fou. Hein. Ce matin, je vous prépare la totale. Oh là là, attention, préparez-vous. Et tout de suite, votre iPhone 7 a gagné. On va sélectionner deux auditeurs, une fille, un garçon. Ouais. Le premier et la première qui auront trouvé la bonne réponse. Il faut nous dire quelle chanson va vous chanter DJ Roro. Et on va parler d'un anniversaire. Bah, c'était son anniversaire hier au chanteur que tu vas interpréter. Happy birthday, bro. Happy birthday, bro. Bro. Oh, yeah. Écoutez bien, voici le morceau à découvrir. Dès que vous savez, vous envoyez la réponse au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Alors attention, pour chanter, il faut que je me passe un petit peu les roubignoles parce que le monsieur chante très très

PMU. Vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appel le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Touche à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr, liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à conditions. Modalités et magasins participants sur carrefourmarket.fr. 7h27 sur Skyrock, on joue maintenant, on va tester nos connaissances musicales, vous allez pouvoir jouer chez vous nous aussi, pareil, hein. Et on va jouer avec Adam et Lucie. Je peux mettre mon jingle? Et avec DJ Roro, bien sûr. Bien sûr, toujours là, toujours présent. Il mixe avec ses pieds, enfin surtout comme un pied. Oui. Voici DJ Roro sur Skyrock. Et bonjour Lucie, bonjour Adam, salut tous les deux. Bonjour. Salut. Adam et Lucie. Bonjour, salut. Et vous saluez le grand DJ, mais vous avez bien raison. Oui. Salut Adam. Et oui, salut DJ. Ah ben salut Lucie. Salut Didier Roro. Bisous ma belle. Eh, vous êtes champion, hein. Et puis en plus vous n'êtes pas les seuls, vous avez trouvé la bonne réponse. Didier Roro a chanté pour vous il y a un instant. Il a chanté ça. Attention. C'est chaud. Ah là on le reconnaît mieux. Alors c'est quoi les c'est quoi ce beau morceau? C'est Wiz Khalifa. Eh ben voilà, bravo. Ouais, See You Again, Wiz Khalifa et Charlie Puth. C'est ça, la musique de Fast and Furious. Allez, tout le monde est bras en l'air. Ouais. Allez, on allume les téléphones. See you again. Bien joué tous les deux, vous êtes qualifiés, vous avez déjà marqué un point. Le match, c'est masculin. Hein. C'est le match. Le match se joue en 3 points. 1, 2, 3. Vous avez chacun un point. Attention, DJ Roro va mixer pour vous maintenant. Et attention, le bon son arrive, c'est maintenant, c'est sur Skyrock en direct, exclusivité live. Oh, c'est parti, musique. Facile. Ce soir, tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti de gros gamin, soprano, je me reste de la... Un point pour Lucie. Bravo Lucie. Et oui, soprano. Je suis en feu. Je suis chaud. Soprano que vous gagnez tout à l'heure dans la roulette. Je suis en feu. Ça fait donc 2 à 1. C'est attention ça. Adam, attention, ne te plante pas maintenant. Attention, c'est peut-être déjà la balle de match. Ouh là là. Attention, je mixe. Au début des années 80, je me souviens des soirées où non, l'ambiance c'est était chaude. Oui. Début de soirée, non. Ayam. Ayam. Bien, Lucie. Hey, Lucie, mais tu as fait une démo ce matin. Bravo, Lucie. Ayam avec Je danse le Mia. Le Mia. Je danse le Mia. Hey, t'as plié ça en 2 minutes. Ah ouais, Lucie, bien. Bravo. Ouais, t'as plié Adam. Ah bah tu t'es fait bruit, tu peux le dire, tu devais piner Adam. Mais bon, elle est tellement mignonne cette Lucie. Bravo Lucie. Merci. Lucie, l'iPhone 7, il est pour toi ce matin. Merci. Bien joué. Je suis contente. Bravo. Eh ouais. Un match plié, mais bon, tu vas pas repartir sans rien. Adam, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock, le collector. On t'envoie également le maillot de foot, de rugby, de basket, de ce que tu veux, de l'équipe que tu veux. Et je t'envoie également mon autographe gratuitement. Waouh. Wow. Ouais, ça t'envoie un iPhone sans problème, ça. Ah bah, ouais. Largement. Je ne te le fais pas dire. Et en plus, Adam, tu as une chance que n'a pas Lucie. Toi, tu peux rejouer quand tu veux, toi. C'est vrai. Ouais, ça marche. Quand tu veux. On te souhaite une belle journée et un grand bonjour à tous les Toulousains qui nous écoutent comme toi, Adam. Ouais, big up à tout le monde. Et 31 à ma couille. Et 31 à ma couille, comme on dit. Et Lucie, c'est parti, direction Douai pour l'iPhone 7. Il est pour toi l'iPhone 7, merci ma chérie. Merci beaucoup. Et tu es très doué, hein. C'est gentil. D'ailleurs, on va retrouver Wiz Khalifa dans un instant. On l'écoutera avec Lil Wayne. On a prévu du Drake aussi avant 8h du matin. Ça, c'est du bon, hein. Ouais, c'est du bon, ça. Et oui, et oui. Et puis d'autres iPhone 7 à choper. Un autre déjà dans moins d'une heure, parce qu'on jouera à 8h20. On jouera à Info Mytho dans une heure. Préparez-vous. Bisous, Lucie. Bisous. Eh ben, je t'embrasse, bisous, bisous à tout le monde. Bisous à tout le monde. Je m'en vais. Oh, c'est dommage, mais tu reviens la semaine prochaine, DJ Roro. Mais sans problème, bisous, kiss. DJ Roro, de retour très vite. On a le temps d'écouter One Dance. Allez, One Dance, et dans un instant, Wiz Khalifa et Lil Wayne qu'on va retrouver sur Skyrock. D'ailleurs, des nouvelles de Lil Wayne aussi. On vous donne ça dans les infos avec Rémi. Il arrive 7h30 sur Sky. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Cause if you down I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Drake sur Skyrock avec One Dance. Wiz Khalifa arrive dans un instant avec Lil Wayne. Et d'ailleurs, les dernières nouvelles de Lil Wayne, il y a des trucs qui tournent sur le net. On en parlait hier soir dans la radio libre. Oui, attention. Des trucs assez inquiétants, mais Rémi fait un petit point là-dessus. Ouais. On en reparle dans les infos. Ben, les infos, on y va tout de suite, Rémi. Il est 7h33. On prépare les conseils pas chers aussi. Ouais. Et puis vos 1500 euros, c'est tombé il y a une demi-heure chez Ingrid à Valence. Et ben, ce sera peut-être pour vous dans un instant. L'actu tout de suite. Et la météo, Rémi. Météo pour aujourd'hui, vendredi. Ben, nickel. Temps ensoleillé encore aujourd'hui. Bon, on a quelques nuages quand même de la Lorraine aux Pyrénées en passant par l'Auvergne. Ça va se calmer au fur et à mesure de la journée. Mais des averses vont réussir quand même à s'imposer sur les Pyrénées, la pointe bretonne. Demain, votre week-end samedi avec une belle journée sur la majeure partie du pays, hormis en Normandie et en Bretagne. Ça ira mieux dimanche, mais le ciel sera légèrement plus voilé sur toute la moitié nord. Les températures ce matin, comprises entre 12 et 22 degrés, de 21 à 25 sur les côtes atlantiques et de la Manche, de 25 à 29 partout cet après-midi, avec des maximales jusqu'à 34 degrés dans le sud-est. Et puis la pollution, c'est moyen encore avec des indices entre 3 et 5, 5 à Orléans, Limoges, Nîmes, Marseille, Lyon, Auxerre et Mulhouse. Et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport, c'est parti. La menace terroriste toujours très forte, c'est ce qu'a dit Bernard Cazeneuve hier soir place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé après une opération antiterroriste menée hier soir dans l'Essonne, en région parisienne. 3 femmes radicalisées ont été interpellées. Elles comptaient passer à l'action très rapidement, selon les premiers éléments de l'enquête. Un policier de la DGSI a été blessé au cours de l'arrestation. Ses collègues ont riposté. L'une des suspectes a été blessée à la tête. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz qui a été retrouvée le week-end dernier à proximité de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 2 couples sont toujours en garde à vue. Les 3 femmes interpellées ont commencé à être entendues cette nuit. Une nuit très longue pour une trentaine de personnes bloquées dans le Mont-Blanc. Un problème technique a causé l'interruption de plusieurs télécabines à près de 4000 mètres d'altitude. Résultat, une trentaine de personnes bloquées 4 par 4 dans des œufs toute la nuit. Heureusement, ils ont pu être ravitaillés avec de l'eau et des vivres. Les opérations de sauvetage ont commencé il y a tout juste une heure. Ces naufragés de l'altitude seront élitroyés du côté italien du Mont-Blanc. Oh, la galère. Bon, ça fait des trucs à raconter, au moins. Bah oui, voilà, c'est une expérience, quoi. Oui, j'espère qu'ils ont leur portable, ils ont fait des vidéos. Ouais, carrément. On l'a appris hier matin, mais elle l'a officialisé dans la soirée au journal de 20h sur France 2. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, sera bien candidate à la primaire de la droite et du centre. La députée de l'Essonne a réuni les parrainages nécessaires. Dernière ligne droite pour les candidats, ça va se resserrer, puisqu'ils ont jusqu'à ce soir 18h pour les déposer. Alors, Alors c'est bon pour Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou encore François Fillon et Bruno Le Maire. Fin de l'aventure pour Nadine Morano, Henri Guénot et Frédéric Lefebvre. Ça risque d'être compliqué également pour Hervé Mariton, mais il reste encore une chance. Et le point sur le sport maintenant, la vidéo bientôt en Ligue 1, c'est bien ça. Et Paris Saint-Etienne ce soir, et puis aussi un peu de tennis. Ouais, un débat qui dure depuis quelques années, qui va enfin trouver son épilogue. La fédération s'est portée candidate à l'expérimentation de l'arbitrage vidéo. Cela se fera en deux étapes et sur deux ans. Les arbitres assistants d'abord seront formés dès le mois de novembre. Et puis la décision via la vidéo de l'arbitre principal interviendra en mars prochain. La Ligue 1, côté terrain avec le début de la quatrième journée. Gros match ce soir, Paris reçoit Saint-Etienne au Parc des Princes. Coup d'envoi à 20h45. Ça va être chaud ce soir dans la Radio Libre. Ouais, dans la Radio Libre, tout à fait. Et puis du tennis, c'est le grand jour pour Gaël Monfils. Le Français de 30 ans affronte Novak Djokovic en demi-finale de l'US Open de New York. La tâche sera très difficile, mais pas impossible. La preuve chez les dames, puisque Serena Williams a perdu en 2-7 contre la Tchèque Pliskova au 11e au classement ATP. Du coup, l'américaine perd sa place de numéro 1 mondial chez elle à New York au profit de l'allemande Angélique Kerber. Et puis, vous êtes nombreux à nous écouter ce matin, mais ne vous emplumez pas sur ce que je vais vous dire. Quelques sites étrangers évoquent Lil Wayne depuis quelques heures et à les croire, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Le rappeur de la Nouvelle-Orléans serait atteint d'un cancer incurable de la peau, ce qui expliquerait qu'il ait pris sa retraite. Certains articles sont même flippants et en annonçant qu'il ne lui resterait qu'un mois à vivre. Alors bien évidemment, rien n'est avéré. C'est pas la première rumeur qui circule sur Weezy. On avait dit qu'il avait le sida déjà il y a deux ans, qu'il était quasiment mort l'année dernière. Donc ce n'est vraiment pas la première rumeur. Ce qui fait un peu peur en revanche et qui est bien réel, c'est un tweet lancé par Missy Elliott qui écrit, je cite, « Je t'envoie mes prières, quelles que soient les épreuves que tu endures ou celles que tu vas endurer, puisses-tu trouver la paix, je serai toujours une grande admiratrice de ton travail. » Donc forcément, ça fait un petit peu flipper ça. C'est vrai que le tweet de Missy Elliott fait un peu flipper. C'est vrai. Sinon, on espère que ce sera des rumeurs, comme il y en a souvent sur le net. Oui, voilà. On va l'écouter d'ailleurs, il arrive tout de suite, le son de Lil Wayne. Ouais, avec Wiz Khalifa. Ouais, Sucker for Pain qui arrive tout de suite. Merci Rémi pour les infos. On te retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure. Il est 7h38 déjà sur Sky. Dans le morning de Difool, ils ont tous un secret. Tous un secret. Sauras-tu les reconnaître? Il peut sentir les odeurs à plus de 1000 km. Il perd ses cheveux chaque fois qu'il reçoit une facture. Il fait l'amour en moins de 3 secondes. On présente les précoces. Elle est amoureuse de son chien. Alors, vous les avez reconnus? 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. C'est nous sur Skyrock. Ouais. Bienvenue à vous. Tiens, une bonne question que nous pose Romanette. Si vous voulez laisser des messages dans l'émission, c'est 41-759. Hein. Et avec l'appli Skyrock, ça marche aussi. Romanette qui dit, mais les gens coincés dans les cabines dans le Mont Blanc, comment ils font pour aller aux toilettes? Ah bah, il n'y a pas de toilettes dedans. Ouais. Ah, ils font caca dedans? Bah, si tu penses. C'est des œufs au caca. Non, mais si tu peux. Si, ils sont bloqués dans des œufs. Non, mais si tu peux ouvrir les portes, bon, pour un garçon, tu sors ton zgeg. Oui. Et puis, bon, tu pisses dans la neige qui est en bas, quoi. Mais, et le caca? Ah, bah, le caca, tu te penches ton cul à travers la vitre. Bonne question, Romanette. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, ça, dis donc. Bon, on va vous offrir 1 500 €. J'ai l'enveloppe des 1 500 €. On vous prépare le loser du jour. Oh là là, s'il t'est arrivé la même chose qu'à notre loser du jour, Romano, je pense que tu serais en hôpital psychiatrique. Ah ouais, à ce moment-là. Avec une camisole de force pour éviter de te faire du mal. Mmh. On va parler du loser du jour. C'est un rappeur, en plus, qu'on a passé ce matin sur Skyrock. Le pauvre a eu une grosse galère. Le loser du jour, c'est tous les matins aux alentours de 8h-10, 8h-5. On en reparle tout à l'heure. On prépare l'horoscope de l'amour, les conseils pas chers, mais tout de suite, l'enveloppe des 1 500 € est prête. Oui. Il y a 1 500 € à gagner, c'est parti. Si ton téléphone sonne, réponds Skyrock. Localisation du gagnant des 1 500 €. Eh ben, on va le localiser tout de suite. L'enveloppe est ouverte et je découvre avec vous où est-ce qu'on va aller ce matin. Ce matin, on file dans le 05, on file à Gap. C'est parti chez la famille Kerr. Michel Kerr, 1 500 €. C'est parti. Si elle répond Skyrock, c'est toutes les demi-heures les 1 500 €. On s'est dit que la rentrée ça coûte cher, les vacances ont coûté cher. Vous avez besoin d'argent, bah c'est toutes les demi-heures cette année. Parfait. Ouais. On devait faire ça pendant une semaine, c'est la deuxième semaine déjà. Allô. Bonjour, oui, bonjour. Madame Kerr. Oui. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Qui vous êtes Nous c'est la radio, Madame Kerr. On est en direct à la radio ce matin. Oh là là. Eh ouais, Michel. On vous appelle pour vous offrir 1 500 €. On vous a tiré au sort, il y a 1 500 € à gagner. Oh là là. Oh là là. Eh ben, il faut juste répondre à une question pour les gagner les 1 500 €. Ouais. Michel, il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Si t'as la bonne, tu repars avec ton chèque de 1 500 €. Qu'est-ce que vous avez dit, c'était à quelle de radio qui nous appelait? Ah, c'est maligne. J'ai pas dit, essaye pas de m'embrouiller, Michel. T'es maligne, toi, Michel. Coquine, Michel. La coquine. D'ici radio. D'ici, ah, c'est la radio du 05. Oui. Eh non, mais c'est pas ça. Bah, bonjour aux collègues. On salue nos collègues de D'ici Radio. Là. Mais c'était Skyrock au téléphone, Michel. Skyrock. Eh oui, Skyrock. Mon fils, il aurait su, mais bon, moi. Et il va t'engueuler, hein. Ah ouais. Ah ouais, il va m'engueuler. Ah, il va t'engueuler. Ah, ça. Hein. Faut rien dire. Michel, tu sauras la prochaine fois si je te passe un coup de fil et que on te demande comme ça, quelle est ta radio préférée, tu réponds. Skyrock. Et c'est gagné, tu vois. Eh bah, c'est bon, t'es prête. C'est tout simple, Michel. Bon, ça va. On te fait un gros bisou, on t'envoie un t-shirt Skyrock pour ton fils, tu raccroches pas. D'accord, merci. Salut Michel. Salut Michel, ciao. Bisous. Et les 1500 euros reviennent dans moins d'une demi-heure sur Skyrock à 8h. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difool sur Skyrock. I talk to you, take my hand through the flame. I talk to you, I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg. 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. Devoted to destruction, a full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain, I'm a dummy. Might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark, got jealous bitches up in the boat. Eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the knot pole, that's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit but tomorrow, and I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting there. Getting there, getting there, getting there. Ain't got no other way, so we started and finished it. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. Suck of a Pain, c'était Lil Wayne sur Skyrock. Lil Wayne avec Wiz Khalifa, les deux sur le même morceau. Gros morceau et on espère que ça ira pour Lil Wayne. Ouais. Calvin Harris, Rihanna arrive, c'est sur Sky, l'horoscope aussi. Mais avant ça, ah, on va pas les louper, hein. Les conseils pas chers à 7h44. Conseils pas chers, très utiles. Ben j'espère Romano, comme tous les jours d'ailleurs. Mais vital. Vito. Vito même. Vito. Oui, voilà, c'est ça. Des conseils pas chers, Vito. Voilà, j'adore Vito et Joule. Ouais, c'est bien, t'as vu? Voilà. Le mettra peut-être un peu plus oui, tard. Oui, peut-être. Allez, c'est parti, on y va. Romano n'a pas besoin de se coiffer le matin. Ça lui fait plus de temps pour arnaquer. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Alors, les conseils pas chers, Vito, c'est-à-dire, explique-nous tout. Eh bien, demain, samedi 10 septembre 2016, a lieu la journée mondiale des gestes qui sauvent des premiers secours. Et donc, un peu partout. C'est là où on apprend le bouche à bouche, tout ça. Ouais, c'est ça. Bon, le bouche à bouche, c'est sur des mannequins en plastique qui ont été déjà touchés par des dizaines de milliers de personnes. Donc si tu veux choper une maladie, c'est pas mal ça. Ouais, donc demain, dans toutes les villes, il va y avoir des petits stands installés par la Croix-Rouge où ils vous apprendront gratuitement les gestes qui sauvent. Tu veux que je t'apprenne le bouche à bouche ce week-end, Cariole? Ouais, avec plaisir. Très bien. Et Romano, tu apprendras le bouche à bouche à Cédric. Ouais, bah oh, putain, vraiment, c'est... j'ai hâte. Oui. Eh bien, ce matin, je vais apprendre des gestes qui sauvent vos familles. Bon, moi, c'est payant par contre. C'est un cours privé que j'organise. Ah, cours privé de gestes qui sauvent. En fait, tu vas leur apprendre à rouler des pelles, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, quoi, il faut pas mettre la langue quand tu fais du bouche à bouche. Hein. Ah, non, ouais. Faut souffler. Ah ouais. Je suis déçu, dis donc alors. Et a priori, ça va être dans quelques temps, là. Je me demande si c'est pas cette année. T'as dit nous, et au bahut, c'est ça que tu veux dire? Ouais, donc ouais. Je crois que c'est au collège. Hein. Dans tous les collèges, maintenant, ils vont apprendre des gestes qui sauvent. En troisième, ouais, on apprend les gestes qui sauvent. Je sais pas si c'est déjà en place. Dites-nous, on va vous apprendre le bouche à bouche, les troisièmes. Magnifique, ça. Moi, je trouve ça bien, moi, de savoir. Ça peut toujours servir. Ouais. Aussi, ouais. C'est utile, mais ça dépend à qui, avec qui on t'apprend à faire le bouche à bouche. C'est vrai. Si c'est un collègue qui pue la... Ah ouais, qui pue de la gueule, qui a bouffé de l'oignon avant. Ah ouais, qui pue la mort. Je ne citerai personne d'ailleurs, hein, parce que je voudrais pas parler des absents. Oui, oui, oui. Hein, Cédric. Mais ouais, si un jour ça m'arrive, vous me laissez. D'accord. Vous me laissez partir vers la lumière. Alors, plutôt que Cédric te fasse un bouche à bouche. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Allez, on y va pour le coup de fil, tu veux. Alors, qui est le premier client? Tu vas proposer ça des Français, Christian. Allez. Ouais, j'aurais préféré une femme parce que bon. Bah, tu vas faire du bouche à bouche à Christian. Ouais, galocher Christian. Au réveil en plus. Ouais, tiens, avec la petite halette de la nuit. Ça peut être magnifique ça. Donc, journée mondiale des premiers secours demain. Hein. C'est là où ils mettent les petites croix sur les voitures? C'est ça. D'accord. J'ai déjà pris, moi. Allô, Christian? Oui, Christian? Non, c'est pas Christian. C'est... C'est sa femme? Oui. Ah, bah, comment elle va? Bonjour, vous êtes qui? Eh ben, je suis Monsieur Lapince. Je fais l'opération, vous savez, pour la Croix-Rouge, les gestes qui sauvent. Et ce matin, je vais venir te faire du bouche à bouche, ma chérie. Oh, vous êtes cinglé ou quoi? Ah non, mais tu sais que c'est important, hein, on sait jamais. Tu vois quelqu'un qui a un malaise, il faut lui faire du bouche à bouche. Ah bah ce matin, tu vas simuler un malaise, je vais te faire du bouche à bouche et je vais te masser la poitrine après. Ça va pas, non? Bah, vous êtes malade. Christian, il est dans le coin ou pas? C'est les gestes qui sauvent. Bah oui, il faut masser la poitrine, j'ai déjà vu. Hein. C'est vrai, tu es bien fait d'en parler ça. Cariole ce week-end. Ouais. En plus du bouche à bouche, on fera du massage de poitrine. Si tu veux. C'est important. Hein. D'accord. Pas de soucis, avec plaisir. Très bien. Bon, on appelle qui? Alors là, on a Michel. Michel. Allez. Le numéro que vous demandez. Ah bah, Michel, j'arrive trop tard, il a pas payé la ligne. Là, on n'aura pas Michel. Michel, il s'est fait couper le téléphone. Il oublie les premiers secours. Terminé, Michel. Et on salue tous les Sacré-Cœur. Comment? Le collège Sacré-Cœur. Le collège Sacré-Cœur. Bah ouais, c'est bien comme ça. Ah bah ça, c'est bien. Plus de clients à la fois. Ouais. On peut vérifier si ça se passe bien ou pas. N'est pas attribué. Oui, je crois qu'il y a un problème de téléphone ce matin. Et ouais, c'est des choses qui arrivent. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Loïc. Bon. Ah, on nous dit que maintenant, là, ils font plus de bouche à bouche. Et c'est que le massage cardiaque. Il y a Tobal qui est pompier qui nous dit ça. Et Agalac. Agalac, très bien. Salut Agalac. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Yvan. C'est Yvan? Loïc. Ah, Loïc, pardon, excusez-moi. Loïc. Loïc. Oui. Oui, tu m'entends? Oui. Oui, bonjour. Monsieur Lapin, c'est à l'appareil. Je travaille pour la Croix-Rouge. Et ce matin, je voulais venir te faire du bouche à bouche. Pour t'apprendre les gestes qui sauvent. Ouais. Et te masser un peu la poitrine ou celle de ta femme si elle est là. Je peux passer dans 5-10 minutes? Non, il est jaloux. Ouais, à chaque fois que je parle de poitrine, c'est ce qu'il y a à ce moment-là. T'as parlé de poitrine et non, c'est merde. Sa femme, donc imagine Romano. Hein? Ah, ouais. En fait, ouais, il n'y a plus de bouche à bouche. Alors ça, je suis extrêmement déçu. Quoi. Je vais lancer un hashtag. Hashtag morning de Difool, bien sûr, mais également hashtag sauvons le bouche à bouche. Ah, mais c'est clair, moi je trouve ça scandaleux, moi. Dans un instant, le loser du jour, c'est un rappeur qu'on vous passe sur Sky. Il a une petite galère, même une grosse galère. On en reparle tout de suite. Et avant ça, l'horoscope de l'amour, votre horoscope dans moins d'une minute. Et Calvin Harris et Rihanna. À écouter aussi sur Sky. 7h50. Une rentrée cool pour Darty, c'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty, hors darty.com. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quinté plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quinté plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et l'horoscope, c'est parti sur Skyrock, l'horoscope de ce vendredi. Vas-tu avoir une bonne note ce matin ? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de ce vendredi avec les puissances amoureuses de tous les signes. Et on va démarrer par les meilleurs. Les meilleurs sont les scorpions et les cancers. Bravo, scorpion cancer. Bravo. Vous avez la palme. Si vous êtes célibataire, vous saurez exactement quoi faire pour attirer dans vos filets quelqu'un qui vous plaît aujourd'hui. Magnifique. Et les couples, eh ben, sachez que le week-end promet d'être très, très, très, très chaud et ça va commencer dès ce vendredi. 4 sur 5, les béliers et les taureaux, votre joie de vivre agira comme un aimant aujourd'hui sur les autres. 3 sur 5, les gémeaux et les verseaux. Une journée plus que sereine sur le plan sentimental. Mental. Tout va bien se passer, bon. Aucune prise de tête à l'horizon. Eh bien. Et même des chances de serrer pour les célibes. 2 sur 5, les vierges et les magnifiques capricornes. Comme toi, Difoul. Vous réfléchissez parce que vous êtes très intelligents, les vierges et les capricornes, comme moi, Difoul. Ouais. Vous réfléchissez à ce que vous voulez et à ce que ne vous voulez pas. En fait, vous êtes en phase de réflexion pour ce vendredi. 1 sur 5, les poissons et les balances. Évitez de dire aujourd'hui ce que vous pensez, ça risque de vexer les autres. Faites gaffe. Et 0 pour les sagittaires, les carrioles. Et les lions, vous êtes les deux signes de feu, sagittaire et lion. Ouais. Et pourtant, on vous trouvera un petit peu froid aujourd'hui. Sois plus chaude, carriole. Oh. Mettez un peu de chaleur dans vos rapports avec les autres et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Le loser du jour arrive, on va le découvrir. Rappeur international qu'on adore sur Skyrock, on en reparle après Rihanna et Calvin Harris. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Difoul sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. She's looking at you. Sur le son de Calvin Harris, This is what you came for sur Skyrock. Et l'heure du loser du jour est arrivée. Tous les matins on découvre le winner ou le loser du jour. Aujourd'hui c'est la lose. Le loser du jour. Le loser du jour. Aïe aïe aïe, Romano, si t'était arrivé la même chose, je pense que t'aurais fait un malaise. On va parler de Drake ce matin. Ah, Drake qu'on a écouté tout à l'heure. Drake qui a eu une petite galère, on peut même dire une grosse galère. Comment tu réagirais si tu te faisais voler 3 millions de dollars? Mais 3 millions, bah déjà il faudrait que je les ai. Ça fait à peu près 2,7 millions, 2,6 millions d'euros. Ouais, bah ça fait beaucoup, ouais. Comment tu réagis? Dis-nous, ah, putain, comme ça... Moi... Ah, je tombe dans les pommes. Tu tombes dans les pommes. Ah, après, j'ai une crise de nerfs. Et après, pas, on te fait du bouche à bouche. Ah, ouais, possible. Oui. Et ben, c'est ce qui est arrivé à Drake, ou plutôt à son DJ. Il était en tournée et il s'est fait cambrioler les bijoux de son DJ dans le bus de sa tournée. Il y en a pour 3 millions de dollars. Ouais. Alors, il y a une vidéo qu'on va vous mettre d'ailleurs sur les réseaux ce matin. Vous allez la mater, elle est marrante. C'est Drake à bout de nerfs qui se rend compte qu'on a volé 3 millions de dollars dans son bus, le bus de sa tournée. Et la bonne nouvelle, alors c'est loser, mais pas tout à fait, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont regardé sur les caméras de vidéosurveillance qu'est-ce qui s'était passé, et ils ont vu le gars qui a volé, c'est un mec de 21 ans, ils l'ont chopé, et les bijoux ont été récupérés. Ah, les 3 millions de bijoux. Mais grosse peur, grosse crise de nerfs pour Drake, la vidéo sur les réseaux de Skyrock, Skyrock FM, ça y est, elle est en ligne. Déjà, ouais. Eh ben, vous pouvez aller la mater sur le Facebook de Sky, sur tous les réseaux. Ah, tu m'étonnes qu'il soit à bout de nerfs, ouais. Ouais, c'est quoi le truc qu'on t'a volé, déjà, Romano, qui t'a énervé? Bah, scooter. Ah ouais, ton scooter, c'est vrai, je me rappelle, il était en pleurs, mais pour de vrai. Ah ouais, bah, j'étais dégoûté, bah, ça coûte cher. Là, il pleurait. J'ai l'impression qu'il s'était fait larguer par sa gothique, mais non, pas du tout, il s'était fait voler son scooter. Bah, ça fait chier, il était garé devant la radio, il y a un mec qui a dû le charger dans un camion. Bah ouais. Le mec qui nous écoute d'ailleurs, on te salue, man. Hein. Ouais, je veux pas être méchant, mais j'espère qu'il s'est bien croûté avec. Oh. Faites mise à Cédric d'ailleurs, qui a eu un petit accident de moto, c'est pour ça qu'il est pas avec nous ce matin. Oui, bah, c'était pas avec mon scooter à bois. Oh, méfie-toi, on va vérifier quand même. Ouais. Voilà, pour le loser du jour, Drake, qu'on trouvera peut-être avant 9h et en tout cas toute la journée sur Skyrock. Tout est bien qui finit bien pour lui. Exactement, ouais. C'est une belle histoire qu'on vous a racontée ce matin. Bon, le réveil de star, il déchire ce matin. Réveil de star avec The Mask. Ce matin, le film The Mask, vous savez, le taré dans The Mask qui va réveiller les familles de France. C'est Jim Carrey. À mon avis, c'est une belle confrontation qui nous attend. Un beau clash tout à l'heure à 8h10. À 8h20, on jouera ensemble à Info Mytho. On vous offre vos iPhone 7, l'iPhone 7 déjà gagné dans le morning. Ouais. Et 1 500 € dans 5 minutes sur Skyrock. Le temps de retrouver les infos avec Rémi, ça arrive. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma ? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora. Au cœur de la beauté. GPS, démarrage sans clé, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon, ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien ? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non, mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça ? C'est Michel. Bah, Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sports Van All-Star suréquipée est à 300 € par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2 257 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Le happy 55e anniversaire Auchan continue. Pourvu qu'il y ait une console en promo. C'est bien pour l'offrir à notre ado. Oui, bien sûr. Jusqu'à mardi chez Auchan, la console Xbox One 1 Tera est à 299 €. En plus, avec votre carte Auchan, 100 € sont crédités sur votre compte Wow. Ça fait 199 € cagnotte déduite. On peut lui en prendre une, hein, chérie. Et profitez-en aussi sur Auchan.fr. Auchan, la vie que j'aime. Ton 21 centimes d'éco-participation, quantité limitée à 4000 consoles, voire conditions sur Auchan.fr. Happy égale heureux. La Redoute Intérieure présente. Pour vous, les rabat-joie. Pour vous qui avez dit à vos enfants tout l'été, dites donc, c'est pas le moment, hein, on verra la rentrée. C'est la rentrée. Pour vous et pour tous les autres. La Redoute Intérieure vous offre 40 € tous les 100 € d'achat et la livraison et les retours sont toujours gratuits. Jusqu'au 19 septembre, profitez d'une réduction immédiate de 40 € tous les 100 € d'achat sur plus de 1000 produits meubles et déco. Voir conditions sur laredoute.fr. Ils sont tous là, ses frères et sœurs, ses amis, et même ceux qui vivent loin d'ici. En croisant chacun de leurs regards, Thomas se dit que son plus beau cadeau ce soir, c'est quand même ce but de Bordeaux. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude de Doxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Il y a des prix qui vous font dire « Oh, bah on utilisera des boîtes à chaussures pour ranger les outils !»

29 partout cet après-midi, avec des maximales jusqu'à 34 dans le sud-est. Et puis la pollution, bah, c'est moyen, avec des indices entre 3 et 5. 5 à Orléans, Limoges, Nîmes, Marseille, Lyon, Auxerre et Mulhouse. On prépare les 21 Pilots qui arrivent. Jason Derulo aussi, tiens, un grand souvenir, un grand classique de Jason Derulo. Du Alonso, le rappeur de Marseille. Et les infos tout de suite, c'est parti. Libre, ça y est, le téléphérique du Mont-Blanc a été remis en route il y a quelques minutes. 34 personnes sont restées bloquées toute la nuit dans des œufs avec une capacité maximum de 4 passagers. Les naufragés de la montagne, comme on les appelle ce matin, ont pu être ravitaillés en eau et en nourriture hier soir. Ils sont quand même restés coincés dans le noir à près de 4000 mètres d'altitude pendant 12 heures. Une opération antiterroriste menée hier soir dans l'Essonne, en région parisienne, à Boussy-Saint-Antoine. Elle avait pour objectif d'interpeller 3 femmes radicalisées. Des messages d'alerte ont tourné en boucle toute la journée dans les gares desservies par la ligne D du RER. On apprend d'ailleurs ce matin qu'elle comptait attaquer la gare de Lyon à Paris et la gare justement de Boussy-Saint-Antoine. La menace d'attentat était donc imminente. Un policier de la DGSI a été blessé au cours de l'arrestation. Ses collègues ont riposté. L'une des suspectes a été blessée à la tête. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz et de gasoil retrouvée le week-end dernier près de Notre-Dame de Paris. Deux couples sont toujours en garde à vue. Les 3 femmes interpellées ont commencé à être entendues au cours des dernières heures. Un homme activement recherché par la police. Il s'agit d'un ancien membre du GIA, groupe islamiste armé. L'individu a été condamné pour terrorisme et assigné à résidence en Mayenne. Il ne s'est pas présenté à l'un de ses pointages quotidiens hier à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte. Si la fuite est avérée, il encourt jusqu'à 3 ans de prison. Un discours musclé contre la droite et surtout contre Nicolas Sarkozy. François Hollande s'est exprimé hier Salva Gram à Paris. Une intervention sur la démocratie et le terrorisme aux accents de campagne électorale. Le président s'est moqué sans le nommer des ennuis judiciaires de son prédécesseur. Réponse quelques heures plus tard du principal intéressé qui assure qu'il ne sera jamais le président de l'impuissance. On parle sport maintenant, on va parler des Jeux Paralympiques, on a une médaille, mais avant ça, la Ligue 1 et la Ligue 2. Ouais, la Ligue 1 avec le début de la quatrième journée, gros match ce soir, Paris à SSE, Saint-Etienne donc au Parc des Princes. Ça commence à 20h45 et on suivra tout ça en live dans la Radio Libre. La sixième journée de Ligue 2, 8 matchs à l'affiche à partir de 20h, Lens Bourg-en-Bresse, Niort-Nîmes, Ajaccio Red Star, Laval Orléans, Brest Clermont Foot, Amiens Tours, Auxerre Chaussot et Reims Gazélec. Pour l'instant au classement, on retrouve Brest, Amiens et Sochaux, 3 premières places. Et puis un coup de chapeau à Sandrine Martinet. La Française débloque dès la première journée le compteur des médailles pour les Bleus aux Jeux Paralympiques. La Mâconnaise a décroché l'or en judo, catégorie des moins de 52 kilos. Elle est malvoyante de naissance et attendait de remporter ce titre depuis 12 ans. Elle a été félicitée par un autre Mâconnais, à savoir Antoine Griezmann. Bravo. Et toi, Romano, tu félicites pas? Bah si, bravo, j'ai vu. En tant que bourguignon. Bravo, médaille d'or, championne. Toi, t'es un creusois. Creusotin. Ah, Creusotin, pardon. Il vient du Creusot, lui. Ouais, Creusotin. Creusotin, tiens bien. C'est ça. Eh ben, bravo la Bourgogne. Et bravo Sandrine Martinet, Martinec. Allez, Rémi, on se redonne rendez-vous tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. À 8h30 pour la suite. Il est 8h07 sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé with my friend D-Fool. Wesh, l'équipe, c'est Jules. Hey, this is Justin Timberlake. Bienvenue dans le morning de D-Fool. The morning show. 6h09 sur Skyrock. Eh ouais, ils sont tous là dans le morning. Et vous aussi, bon réveil, bonne journée. Et puis bon courage si vous êtes déjà dans les bouchons ce matin. Oh, les filles, avant de messages de filles sur le 41759 et sur l'appli. Là, bonjour à Laura, 29 ans, qui nous fait des bisous, bonjour, et qui veut 1500 euros, surtout Anne qui nous fait un petit coucou également, bonjour à toi Anne. Sonia, salut Sonia. Farida, salut Farida. Magali, les femmes sont là, Tiffany, c'est la ce matin. Oui, on est le matin, Romano. Anne, regarde, le soleil se lève. Oui, j'ai vu Natacha, ah, du 63. Ah, les gars sont là aussi, regardez. Mehdi qui nous salue, salut à toi Mehdi, salut David, salut à tous, et une belle journée à vous, une journée qui démarre bien, enfin qui a surtout bien démarré pour une grid tout à l'heure, hein. Elle a chopé ses 1500 euros. Et ben, c'est pas fini. On continue. 1500 euros à gagner. C'est maintenant. C'est sur Skyrock. On est prêt. Salut, vous. Oui, bonjour, monsieur. Lui, c'est The Mask. Oui, ça. The Mask, il se prépare pour l'appel de star. Il a des problèmes, non? Ça gaze, les loulous. Ben, ça gaze à mort, là. Oui, c'est ça. Oui. Lui, je crois qu'il s'est trop gazé la tête. Ça gaze, les loulous. Allez, The Mask, c'est le réveil de star aussi qu'on fera dans 3 minutes, là. Allez, c'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Ben, c'est Skyrock. 1500 euros dans ta poche. Oh, putain, c'est trop bon. Maintenant. Bah ouais, une bonne nouvelle dès le réveil. Qui a t'apporté chance tout à l'heure? T'as ouvert l'enveloppe, c'est tombé, Romano. Ouvre celle-ci, tiens. Alors, attention, est-ce que ça va retomber une deuxième fois dans la matinée? Ouais, l'enveloppe des 1500 euros. Je prends des risques, hein, je la donne à Romano, c'est dangereux. Hein. Alors, attention, direction le 92. Le 92. Nanterre. La capitale du 92. Et c'est Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia, attention, Mamadou, comme Issa. Ouais, ah, c'est ouais. Ça. Peut-être la famille. C'est vrai. Peut-être la famille d'Issa Doumbia. On salue Issa s'il nous écoute. Allô? Allô, Mamadou? Oui. Salut Mamadou, on est en direct à la radio, Mamadou. Oui. C'est la surprise du matin. Et on t'appelle pour t'offrir des sous, Mamadou. Ouais. Est-ce que tu... Juste une petite question avant que je te pose la question pour gagner 1 500 euros. Parce qu'on est en direct à la radio et on t'appelle pour t'offrir 1 500 euros. Ouais. Une petite question avant ça. Est-ce que tu es de la famille Dissa? C'est une grande famille, les Doumbia. Oui, en fait, il y en a plein, mais vous vous connaissez pas tous, c'est ça, les Doumbia. Tout à fait, ouais. Bon, alors, Mamadou, on passe aux choses sérieuses. Je vais te demander ce matin, quelle est ta radio préférée? Si t'as... Bravo! Et tu viens de gagner 1 500 euros, Mamadou. Bravo, Mamadou! Merci, Dipou. Et voilà. Et ben, on salue Issa, mais on salue surtout toi, Mamadou. Bien joué. Hein. Merci. Ça tombe à Nanterre. Cool. On est juste à côté, nous, en plus. Hein. Merci. Bah, reviens pas. Je vais aller faire un petit coucou sur la terrasse. Tu vas me voir. Je bougerai les bras pendant qu'on écoutera Toté One Pilots. Voilà, c'est ça. Histoire de regarde saluer. À la fenêtre. Hein. Oui. Eh ben, je vous vois. Big up, Mamadou. Big up, Mamadou. Tu fais quoi dans la vie, Mamad? Je suis chef d'équipe à Amis de Paris. Attends, on a un chef en plus. Ouais, chef d'équipe, quoi. ça impose, c'est bien. Et les 1 500 euros qui arrivent, qu'est-ce que tu vas en faire? T'as une petite idée déjà? Oh là là, ça tombe bien, j'étais à moins 1 500. Ah bah voilà. À la banque. On bouche le trou. On va boucher le trou. Merci beaucoup, les gars. On est très connus à Skyrock pour boucher les trous. Ah ouais. Professionnel, chef de trou. Magnifique. Eh ben, ça fait plaisir, Mamadou. T'embrasses toute la famille. On t'envoie ton chèque. Et voilà, je vous embrasse. Super, Mamad. Et raccroche pas, on prend tes coordonnées, on les vérifie. Et puis, on t'envoie le chèque à la maison très vite. Ok, merci beaucoup à vous. Salut, Mamadou. Ciao. Cool. Ciao. En direct de 6h à 9h. C'est le morning de Default sur Skyrock. Et voilà. Et un deuxième chèque après une grille de Valence, Mamadou de Nanterre. C'est pas fini, dans une demi-heure, on recommence. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm ballin', so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But there don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Oui, on est là, on est là. Salut. Salut. Salut. Salut, Cariole. Salut. C'est l'heure de retrouver le réveil de star comme tous les matins sur Skyrock. C'est à 10 de chaque heure le réveil de star. Et ce matin, eh bien, c'est l'autre là, The Mask. Ouais. Quand il met un masque, il devient tout chelou. C'est lui. Et c'est lui qu'on va retrouver. C'est celui qui fait Splendid. Le film est passé hier soir. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas réveiller des familles ce matin avec la voix de The Mask. Ça peut être pas mal. T'as un espèce de dingue qui t'appelle au téléphone. Comment tu réagis? On va voir ça avec Gérard. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Alors, les stars réveillent la France. C'est le réveil de star sur Skyrock. Gérard et la famille à Gérard dans le réveil de star tout de suite sur Skyrock à 8h14. Et on prépare un info mytho avec l'iPhone 7 à gagner en zone instant. Ça y est, vous. Salut. C'est qui? Benjamin Franklin, Ulysse Grant et Andrew Jackson. Mais je sais pas qui c'est. Ça casse les loulous. Oui, ça va. Je souhaitais te dire que tout me plaît. Ah, mais je crois que vous faites une erreur, hein. Que je vais te chanter una canzone d'amour. Oh, sole mio. Oh, ça va pas ou quoi? Catarina, Catarina, chic, chic. Ah, ouais. Ça va pas, non. Oh, oh. Allô? Ah. Ça empêche, je vais vous secouer tout ça. Ouais, bon, il faut arrêter d'emmerder le pot, hein. Un petit baiser, chérie. Je vous ferai voir ma grosse gondole. Eh ben, tu vas baiser où tu veux, mais si tu retéléphones une fois, moi je téléphone aux flics, hein, c'est clair? Et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos rêves de lit! Mais non, t'es complètement rouillé, tes cols, hein. Réserve ta soirée, cocotte! Au champ du coq, tu passes à la casserole! Ouais, ben, moi je vais te passer à la casserole, viens. Donne-moi voir ton numéro de téléphone, moi je vais te dire où t'en es, hein. Si tu rappelles encore une fois, j'appelle les flics, hein, on est d'accord? Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Ouais, ben la loi, tu te la fermes, hein. Allez, dégage, tu me pour plaire. Tu fermes ta gueule, puis tu raccroches. Si tu rappelles une fois, je téléphone aux flics. On est d'accord? Salut. Splendid. Il a quand même tenu jusqu'au bout, hein. Il a quand même discuté avec The Mask. Bravo Gérard. Et bravo sa femme aussi. Ah bah oui, là. Oui. La famille entière a participé, ça fait plaisir. Merci Gérard, merci la femme et bonne chance à vous. On va parler vengeance dans Info Mytho. Ah, une vengeance de femme là dans un instant. Ah attention. Ouais, elle a 19 ans, elle s'est vengée. Je vous raconte la petite histoire. Ah, il faudra nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Info Mytho avec l'iPhone à gagner, l'iPhone 7. Il est pour vous sur Sky. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking at you. Oh, oh. Yeah, the drums they swing low and the trumpets they go. Trumpets, there you go. Remind me of a Kanye West song. Kanye West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head. I wrote this song just looking. You, oh, oh, yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go, and they play for you, girl, and the trumpets they go. Every time that you moan, oh yeah. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time that you get undressed, I hear symphonies in my head.

Étude de Doxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le happy 55e anniversaire Auchan continue. Chérie, écoute, l'anniversaire Auchan continue. Et tiens, j'y pense, j'ai entendu une super offre sur du raisin. Oui, un prix spécial anniversaire. Chez Auchan, jusqu'à samedi, profitez du raisin blanc Italia de Sicile à 1,29€ le kilo. Seulement 1,29€ le kilo de raisin blanc Italia ? Super ! Et en plus, il est délicieux. Et profitez-en aussi dans les magasins Adepa et Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Origine Italie, catégorie 1. Happy égale heureux. Et on retrouve Paul qui court avec son chien. Oui, ils portent des chaussures de running Equiden Active. Avec leur concept d'amorti au niveau du talon, ces chaussures permettent à Paul de se donner à fond. Oui, d'ailleurs, son chien peine à suivre, hein, il tire la langue. Ah non, ce n'est pas joli joli de tirer la langue à son maître. Chez Decathlon jusqu'au 24 septembre, la rentrée à petit prix joue les prolongations. Avec les chaussures Equiden Active Trail de Kalenji à seulement 29,99€. Decathlon, à fond la forme. Liste des magasins participants sur decathlon.fr. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Tous à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 euros d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalité magasin participant sur carrefourmarket.fr. Oh. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. 8h27 sur Skyrock Info, Mytho, on revient à la vengeance. La vengeance de Carmen, je vous ai pas donné son prénom. Ouais. Carmen s'est vengée de son ex, elle est pas contente. Elle est intelligente elle aussi. Non, elle est pas très intelligente non plus, non. En direct de 6h à 9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. C'est nous. Et hey, c'est nous et vous tous ensemble tous les matins qui faisons de la radio sur Skyrock. Un grand bonjour à ceux qui viennent de se brancher. Ouais. Les 1500€ arrivent et puis un grand bonjour à Gwen qui est avec nous. Salut Gwen. Ah, t'es là à l'antenne, appuyez sur le bouton. Gwen. Hop là, hop. Attends, je remets. Appuie, hop, Gwen. Aïe, j'ai cru. Ah. Tu étais perdu dans le standard, dis donc, Gwen. Bah oui. On se demande, perdu dans les tuyaux. On se demande dans quel tuyau t'étais, ouais. C'est bon, t'as retrouvé, c'est bon, t'es là. Gwen, en direct ce matin, t'as 24 ans, Gwen, et t'as la bonne réponse. Je racontais la petite histoire. Tu t'es déjà vengé d'un ex, Gwen, avant que je raconte la petite histoire? Non, du tout, je n'ai pas eu le courage, on va dire. Mais non, c'est pas du courage, t'es passé à autre chose, Gwen. Ouais, voilà. T'as pas perdu ton temps, toi. Et puis voilà. Ça évite de faire des conneries, parce que Carmen, pour se venger de son ex, c'est une femme de 19 ans, elle a incendié sa voiture. Elle s'est dit, tiens, je vais foutre le feu à sa voiture. Elle prend un chiffon, elle le met dans le réservoir, elle allume le machin, la voiture prend feu. Le problème, enfin, il y a deux problèmes. D'abord, elle était filmée par une caméra de surveillance, premier problème. Mmh. Deuxième problème, elle s'est trompée de voiture, elle a incendié la voiture du voisin. Est-ce que c'est une info ou un mytho? Ouais. Alors, c'est une info pour moi. Et oui, c'est mais ça. Pour toi et pour tout le monde, c'est une info, oui. Donc l'autre, elle est vraiment complètement amochée. Mais c'était le même modèle de bagnole ou pas du tout? A priori, j'en sais rien, elle est tellement amochée, c'est pas écrit, ça je sais pas, Romano, mais voilà. Ouais, parce que c'est... La photo, vous l'aurez sur tous les réseaux sociaux de Skyrock, Skyrock FM, vous allez mater ça sur tout. En tout cas, la caméra fonctionnait bien, on voit bien. Hein. Ah bah on la voit bien, ouais. Une caméra au point. Hein. Voilà, la vengeance contre son ex. Ça lui aura coûté bien cher parce que la police est en train de s'occuper de son cas. On vous tiendra au courant de la suite de ses aventures. Très bien. Bon, on passe maintenant aux choses très sérieuses. Tu sais que tu dois détecter le mytho. C'est ou Cariol ou Romano. Ils ont tous les deux un truc à te raconter, Gwen. Attention, okay. C'est parti. Info, faux ou mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. À toi de détecter le mytho. Je me retourne vers Romano. Alors, moi, je vais vous parler du... Mais tu es chaud. Ta gueule. Ah, il est chaud, regardez. Bah, on n'est pas là pour ça, Gwen. On va s'occuper... Je vais te raconter ma petite histoire à Gwen et à tout le monde. Pour l'iPhone 7, c'est parti. Alors, une Texane de 27 ans, Monica, a décidé de devenir la plus grosse femme du monde. Oh, quelle bonne idée. Alors, pour le moment, elle a un tour de taille de plus de 2 mètres. Elles sont tarées, les Américaines, non? Elles ont des problèmes, non? Elle a un tour de taille de plus de 2 mètres. Bravo. Et pèse 318 kilos. Chaud. Et elle veut grossir encore. Elle veut atteindre 450 kilos. Oh la vache. La vache. Alors, ça, c'est pour... de... là, ça, c'est plus une vache, c'est une baleine. Là. Et donc, elle veut atteindre 450 kilos. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se nourrit tous les jours avec des espèces d'aliments. En fait, il y a une espèce d'entonnoir et son mari lui verse une espèce de mixture dans la bouche. Oh non. Comme une noix, vous savez. Mais c'est elle qui a décidé. Hein. Elle se fait gaver. Ouais, elle ingurgite 8000 calories par jour. Chapeau, bravo. Et en fait, son but, c'est de rester sur un fauteuil toute la journée et d'être traitée comme une reine. Comme dans le temps où plus tu étais grosse, plus tu étais aimée. Est-ce une info? Est-ce un mytho? Et il va falloir se décider. Oui, mais écoute, avant la petite histoire de carriole, Gwen. Moi, ça se passe en Alsace, c'est un routier français qui s'est fait flasher 800 fois dans la même journée. Info ou mytho? Mais le mec, il faisait des allers-retours devant le radar. Il avait le radar, il dit, oh putain, on prend une photo et tout. Hey, salut, salut. 800 fois dans la même journée. Ouais. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Le routier ou celle qui veut devenir la plus grosse au monde? C'est Monica. Alors, Monica. Pour moi, l'info, c'est Romano. J'aurais dit pareil que toi, mais je sais pas. Ouais. Je me retourne vers... Oh, mais tu es chauve. Oh, mais ça va, ouais. Je me retourne vers Romano, alors... Je suis chauve, mais je t'offre l'iPhone 7. Oh. Bravo. Une fois qu'il offre un truc, profites-en, Gwen. Hein. Oh, merci, je suis trop contente. Notre iPhone 7, c'est le troisième qui tombe ce matin, dis donc. Ouais. Eh ben, il est pour toi, Gwen. Merci. Et merci donc, on va vous mettre une photo de Monica, là, et il y a même carrément un petit reportage à la télé qui a été fait sur elle et sa façon de vivre, c'est elle. Fais voir. Oh, la vache. Ah, ouais, la vache. Ouais. Ouais, non, mais c'est pas gentil. Ouais, c'est pas la vache, c'est Monica. Ouais. Ouais. Eh ben, Gwen, grâce à Monica, tu viens de gagner ton iPhone 7. Et ta petite story, Cariole, c'est quoi la vérité? Moi, c'est un radar qui était mal réglé, en fait, et c'est 800 automobilistes qui se sont fait flasher dans la journée. Alors qu'ils roulaient pas du tout vite. Mais ça va être annulé quand même. Ah oui, bah bien sûr. Ouais, non mais bon, c'est jamais. Oui, ça a été annulé. Ils vont faire comme d'habitude. Oh, bah, vous payez, on vous remboursera l'année prochaine. Ah, non. Bon, bah bravo Gwen, l'iPhone 7. Ouais, merci beaucoup. On te l'envoie à la maison à Courrières. T'habites à Courrières, c'est ça? Ouais, Courrières, ouais. Eh bien, on t'envoie ça très vite. On te fait un gros bisou, Gwen. Et puis tu reviens quand tu veux. Ah bah gros bisous. Merci, ouais. Gros bisous à vous. Salut, bisous, Gwen. Ciao. Salut. Il est 8h32. On prépare Alonso. J'avais promis un son d'Alonso. Il arrive dans 2 minutes, le temps de faire le point sur l'actu. Alonso et Binta, les conseils pas chers à 8h40, vous allez les retrouver aussi. Ouais. Un truc qui va faire plaisir à tous nos amis alcooliques, nos amis fêtards également. Ouais, et attention, grande nouvelle, nous sommes champions du monde de quelque chose. L'alcool. Ah non, on avait dit que c'était les Biélorusses, les champions du monde. Non, mais on est champions du monde dans quelque chose quand même. Ah, c'est pas l'alcoolisme alors. L'alcoolisme, mais d'une certaine boisson précisément. Ah. Bon, on va s'en occuper. Comme elle est contente. Ah bah, Cariole y participe grandement. La joie. À ce titre. Bon, Ken Jones arrive aussi et Rémi est là pour les infos, c'est parti. À 8h32, l'actu, le sport, mais d'abord, et c'est important, le week-end arrive, la météo. Eh ouais, avec un temps encore ensoleillé aujourd'hui, on a des nuages de la Lorraine aux Pyrénées en passant par l'Auvergne. Quelques averses sont d'ailleurs à prévoir sur les Pyrénées et la pointe bretonne. Demain, samedi, très belle journée sur la majeure partie du pays, hormis en Normandie et en Bretagne où la pluie s'invitera. Ça ira mieux dimanche, mais le ciel sera légèrement plus voilé sur toute la moitié nord. Les températures ce matin entre 12 et 22 degrés, de 21 à 25 sur les côtes atlantiques et de la Manche, de 25 à 29 partout cet après-midi, avec des maximales jusqu'à 34 degrés dans le sud-est. Et puis la pollution, c'est moyen avec des indices entre 3 et 5. 5 à Orléans, Limoges, Marseille, Lyon, Auxerre et Mulhouse. Et le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport. La gare du Nord, mais aussi la gare de Boussy-Saint-Antoine qui aurait pu être visée par des attentats. C'est ce qu'on apprend ce matin. Après les interpellations hier de 3 femmes radicalisées, l'opération a été menée dans l'Essonne. Les suspects étaient toutes armées de couteaux. Un policier de la DGSI a d'ailleurs été blessé. Ses collègues ont riposté. L'une des suspectes a été blessée à la tête. Il s'agit de la fille du propriétaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz et de bidons de gasoil retrouvés le week-end dernier à Paris, près de Notre-Dame. Deux couples sont toujours en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a pris la parole hier soir et estime que la menace terroriste est plus que jamais d'actualité. Le détenu radicalisé qui a agressé 2 surveillants de la prison d'Ognies dans le Val-d'Oise, mis en examen, il est poursuivi pour tentative d'assassinat terroriste. Le forcené âgé de 24 ans a reconnu avoir voulu tuer un gardien au nom de Daesh. Il a été condamné pour avoir tenté de rejoindre la Syrie avec sa famille afin d'y faire le djihad. On l'a appris hier matin, elle l'a officialisé hier soir au journal de 20h sur France 2. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, sera bien candidate à la primaire de la droite et du centre. La députée de l'Essonne a réuni tous les parrainages nécessaires. Dernière ligne droite donc pour les candidats qui ont jusqu'à ce soir 18h précises pour déposer tous ces parrainages. On sait déjà que c'est bon pour Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, NKM donc, ou encore Bruno Le Maire. Fin de l'aventure en revanche pour Nadine Morano, Henri Guénot et Frédéric Lefebvre. C'est encore jouable mais c'est compliqué pour Hervé Mariton. Des nouvelles inquiétantes de la Corée du Nord. Le régime de Pyongyang aurait fait cette nuit un essai nucléaire. Ce serait le plus puissant de son histoire avec une énergie estimée à 10 kilotonnes, soit un tout petit peu moins que la bombe d'Hiroshima. Eh ben, on fait le point sur le foot maintenant avec des news de Paris, puis on parlera aussi tennis. Ouais, la Ligue 1 avec le début de la 4e journée. Gros match ce soir puisque Paris reçoit Saint-Etienne au Parc des Princes. Bien évidemment, on suivra tout ça. Coup d'envoi à 20h45. Rendez-vous donc dans la Radio Libre. Les Parisiens qui peuvent nourrir des regrets. C'était une rumeur qui s'est confirmée. Neymar aurait pu venir jouer au PSG. L'attaquant brésilien a envisagé de quitter le Barça avant que son contrat ne soit prolongé jusqu'en 2021. Des discussions très avancées ont eu lieu avec Paris qui était prêt à payer, tenez-vous bien, sa clause libératoire de 190 millions et surtout offrir un salaire annuel de malade, 40 millions d'euros par an. Alors à coup sûr, Paris n'a pas encore dit son dernier mot. Tout le monde le dit, ce mercato est plutôt raté, mais la force de frappe financière est bel et bien là. Et donc Paris finira par être au rendez-vous. Et puis du tennis avec le grand jour pour Gaël Monfils. Le Français de 30 ans affronte ce soir Novak Djokovic en demi-finale de l'US Open de New York. Alors sur le papier, ce sera très difficile contre le numéro 1 mondial, mais pas impossible. La preuve hier chez les dames, puisque Serena Williams a perdu en 2-7 contre la Tchèque Pliskova, 11e au classement ATP. L'Américaine perd donc à la maison chez elle sa place de numéro 1 mondial au profit de l'Allemande Angélique Kerber. Merci Rémi pour les infos. Il est 8h36 sur Skyrock. En direct de l'appart. C'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. Et le morning qui vous offre 1 500 € toutes les demi-heures, c'est évidemment sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Ouais. Grâce à vous tous, on a battu les radios américaines. On a merci. Pris ça cet été. Merci, merci. Thank you. Vive la France, chantons la Marseillaise. Ouais, on va chanter à l'Onzo dans un instant. Binta, ça arrive. Et donc, on est champion du monde. Alors, c'est pas de cache-cache, on en parlait cette semaine. Ouais, c'est vrai, on est champion du monde du cache-cache. Oui, champion les Français, hein. Vraiment, on est les meilleurs. Hein. Ah ouais, ouais. Et là, un autre titre de champion du monde, vous allez voir, celui-ci aussi il déchire. Ça te donne l'occasion d'ailleurs de gagner de l'argent, Romano, puisque tes conseils pas chers concernent l'alcool. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va appeler dans un commissariat, on fait quoi? On peut. Petite blague pour rigoler à la police, on vous salue. Bon, et avant les conseils pas chers, eh ben les 1 500 €, l'enveloppe est là. Et on vous appelle tout de suite, c'est parti. Une bonne nouvelle dès le réveil. Non, c'est Skyrock. Skyrock. 1 500 € dans ta poche. Oh putain, c'est trop bon. Maintenant. Et oui, maintenant. Et deux bonnes nouvelles déjà. C'est tombé à Valence tout à l'heure chez Ingrid. On fait un bisou à Ingrid. C'est tombé à Nanterre il y a une demi-heure chez Mamadou. Bisous Mamadou. Et on vous offre 1 500 € maintenant. Si vous habitez en Bretagne, amis bretons. On arrive. Il n'y a pas que la pluie qui tombe en Bretagne, il y a aussi les chèques de 1 500 €. On arrive dans le 22 et on va à Saint-Brieuc ce matin. La famille tirée au sort est la famille de Laval. Maintenant, ils sont de Saint-Brieuc. Oui. Bruno de Laval. Bonne chance aux de Laval. Allez, Bruno, la famille. Allez, troisième sonnerie. 1 500 € à gagner. Quatrième sonnerie. Ouais. Là, c'est bon. Le suspense qui est à son. Mais là, on n'en peut plus. J'en peux plus. Bon, les de Laval. Non. Ah, allô? Allô? De Laval? Ah non. Bah, ça sert à rien. Allô? Bah voilà. Bon, bah écoute. Eh bien, les de Laval qui ne gagneront pas les 1 500 €. Bon, on a eu déjà deux gagnants. On a bien bossé ce matin. Ouais, c'est une belle matinée. Eh ouais, belle matinée. Vous vous inscrivez au 720-20. Vous envoyez 1 500 au 720-20 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Vous pouvez le faire tout le week-end. Et puis, on vous appellera forcément un jour. J'en suis sûr. Regardez, je croise les doigts pour vous. Oui. 1 500 €, on vous appelle. Vous répondez Skyrock. Et hop là, c'est dans la poche. Tous les matins, 6h-9h, c'est le morning de Default sur Skyrock. Ah, et Alonso, ça c'est du bon son de Marseille. Linda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Elle déboule sur la piste, danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On appelle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ongles sous son blabla. Elle provoque des bagarres. mes manigances, elle ne m'emmènera pas dans sa douche. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, une découverte Sky à 8h41, c'est l'heure des conseils pas chers. Conseils pas chers, alors on est champion de quoi? Alors attention, nous sommes champions du monde. Nous sommes champions du monde. Champions du monde, je vous le dis tel quel. Attention. De la consommation d'alcool et plus particulièrement de vin. Oui. Le champion du monde de la consommation d'alcool, on l'a appris cette semaine, c'est la Biélorussie. Ouais, mais alors attention. On les a dopés pour le match de foot de lundi d'ailleurs. Au niveau du vin, alors là, les Français cartonnent. Hein. 44,2 litres par personne et par an. En comptant les enfants? Bah en plus, pas... c'est, donc c'est une moyenne, hein, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont à 100 bouteilles par an. Hein. Bah moi ça me paraît pas énorme quoi. Hein, 40, combien 44 litres? Ouais. Ah bah attends, c'est pas énorme, 44 litres. Bah ça fait même pas un litre par semaine. Bah c'est rien du tout. Non mais c'est rien du tout. Mais c'est vrai. Non mais par personne, par français, si tu comptes les gosses et ceux qui boivent pas comme moi. Oui. Parce que moi je fais du sport, bah, moi, je bois pas d'alcool. Ouais, bien sûr. Non mais c'est vrai. Allez, on fait du sport, on lève le coude. Bon, les deuxièmes, c'est les Slovènes. Ouais. Qui sont quand même qu'à 43,3. Oh les amis, les troisième, les Croates. Ouais. 42,6, ensuite la Macédoine. Le Portugal, cinquième. Non, la Macédoine, c'est une salade, Romano. Ça n'a rien à voir dans le sondage de l'alcool. Là. La Macédoine est à 41,5 et le Portugal est cinquième quand même. Oui. Amis ouais. Portugais, ça picole. Bravo les Portugais. Bravo. Sixième l'Italie, septième sixième la Suisse, septième l'Italie, huitième l'Autriche, neuvième l'Uruguay, dixième ouais. La Grèce. Très bien. Champion du monde, c'est nous, les Français. Bravo, bravo, bravo, vive la France. La, la, la, la. Alors, conseil pas cher, ça t'a donné une idée, parce que c'est, en plus, c'est la période des foires au vin actuellement. Ouais, ah, bah, ça y est, les foires au vin ont commencé à démarrer. Ça a démarré. Alors, c'est marrant, ça démarre dans tous les magasins, mais pas à la même date. C'est chez Auchan, chez Carrefour, Carrefour Market, Casino, à Cora, à Franprix, partout. Ah, bah, Cora, ils ont démarré depuis mi-août. Hein. Ah, Cora, ça y va, dites donc, la foire au vin. Depuis le 18 août, tu peux te murcher la gueule chez Cora. Quoi. Ça picole chez Cora. Ah, Leclerc, c'est le 27 septembre. Faut attendre un peu chez ouais, Leclerc. Ouais, c'est les derniers, ouais. À chaque fois, ouais. Ah, Leader Price, ça y est, c'est parti aussi. Hein. Intermarché, c'est parti. Géant, c'est parti. Franprix, c'est parti. C'est parti. Les foires au vin dans toute la France. Et alors, c'est quoi ton idée de conseil pas cher? Bah, ce matin, je vais livrer des caisses de vin. Hein. Ah bah en France ça devrait cartonner hein. Ah bah normalement, normalement on est champion du monde hein. Si ça marche pas on ira en Slovénie, tu parles le slovène très bien. Magnifique. Romano est prêt à n'importe quoi pour gagner de l'argent. Il a même vendu des pilules à Usain Bolt. C'est les conseils pas chers sur Skyrock. Allez, les conseils pas chers. Et des numéros pris au hasard, donc c'est ça? Ouais. C'est ça, domaine Grand Corbière. Ah non, pas pris au hasard, c'est des vignerons. Ah alors. Oui, c'est des vignerons, oui. Ah, ouais, si ah non, je vais chercher du vin là. Ah tu vas chercher du vin. Bah pour ouais, moi. C'est la foire au vin. Ah. Ils peuvent quand même lâcher une bouteille. Hein. Alors, on va découvrir la méthode de Romano pour récupérer du vin chez un vigneron. Allô? S'il vous plaît, laissez votre message après le bip. Merde, ils sont déjà bourrés. Ah ouais, ouais. Mais ça s'entend, t'as entendu la voix du répondeur. Ouais, ouais. Le message après le bip. Mais moi, en Bourgogne, des fois, j'ai dans une cave à vin, mais le mec, il est pété H24. Hein. Y a pas une fois où j'y étais où le mec était pas rond. Il est rougeau, là, derrière. Tu sais, il fait des dégustations gratuites, mais il picole aussi. Donc, bah, le mec vend tellement de vin rouge qu'il en est devenu rouge lui-même. Ah, il a les joues, mais rouge écarlate, quoi. Passe-tu un petit bonjour? Ben, bonjour à lui, à ma cave, à Mercurey. Allô? Pardon? Oui, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Denis Labuzan, à l'appareil. Eh, c'est le marchand de vin? C'est le marchand de vin, oui. Ah, comment vous allez? Ça va bien, oui, et vous? Eh ben, ça va, ça va. Dites voir, je viendrais bien m'en jeter quelques-uns ce matin au domaine. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. J'ai pas compris, vous êtes monsieur qui? Monsieur Lapince. Je suis un particulier, je vais venir avec des amis et on va faire une petite dégustation. Eh bien, écoutez, oui, il n'y a pas de souci, oui. La dégustation est gratuite? La dégustation est gratuite, mais vous êtes déjà venu, vous connaissez cette propriété, c'est ça? Oui, moi je connais très bien, mais vous savez, tous les endroits où ça picole, je connais. Hein. D'accord, bon, mais écoutez, pas de souci, oui, on est en vendance, donc on vous recevra, il n'y a pas de problème. On peut venir vers quelle heure? 10h, c'est bon? 10h, c'est bon, ouais. Okay. Bah 10h pour l'apéro, c'est parfait, hein. Ouais, c'est d'accord, il n'y a pas de problème, 10h, c'est bon, ok. Eh bah nickel, bah j'arrive à 10h, on picole un peu, puis je repartirai avec une ou deux caisses gratuites. Ouais, oui, on a trouvé ça, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est super gentil, si on a très soif. Faites comme les oies, vous savez, vous nous gavez. Ouais, nickel. Bon bah on est là à 10h. Ok, pas de soucis. Merci vigneron. De rien. Bonne journée, ciao. Vous n'avez pas le visage de Carriole. Le visage de... Mais elle est heureuse comme jamais je l'ai vue heureuse depuis la rentrée. C'est vrai, je suis heureuse comme tout là. Sympa le vigneron. Bah ouais, sympa comme tout. En tout cas, bien joué Romano. Ouais bah voilà, parfait. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est un coup de maître. Mais c'est un bon... Eh, n'empêche que c'est une bonne idée pour se murger gratos. Ah ouais, bah tu fais la route des vins, ouais, tu peux. Fais la route des vins. Ouais. Fais la route des vins, tu termines dans le mur. Non, mais il faut avoir un chauffeur pour le faire, hein, qui ne voit pas. C'est mieux. Il est 8h46, on prépare l'horoscope de l'amour. Il arrive dans une minute, votre horoscope de l'amour. Juste derrière, on écoutera Ken Jones avec Don't Mind. Encore une découverte Skyrock que vous avez découvert cet été. Et puis, on a préparé la compile du jour. Tous les matins, la compile du jour. Aujourd'hui, on va s'occuper des profs. Ah, rappelez-vous quand vous étiez en cours, si vous n'êtes plus en cours, si vous y allez, ben on vous souhaite bon courage. Et on va faire une petite compile des phrases les plus entendues et les plus dites par les profs. Ouais. C'est vrai qu'il y a des classiques, quoi. Oui, les profs ont toujours leurs petits classiques. La compile arrive, on se prépare, c'est tout de suite sur Skyrock. 8h47, horoscope dans une minute, comme promis. Sephora. Vous rêvez d'un teint sans défaut comme au cinéma? Makeup Forever a créé la gamme Ultra HD. Fond de teint, anti-cerne et maintenant un stick pour une couvrance encore plus invisible. Une gamme pro, des plateaux de tournage à votre salle de bain. Et en ce moment, dès l'achat de deux produits Makeup Forever, un mini rouge à lèvres artiste rouge vous est offert chez Sephora. Jusqu'au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Makeup Forever, en exclusivité chez Sephora et Makeup Forever. Sephora, au cœur de la beauté. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager. Mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois. Enfin une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Et l'horoscope à 8h48. Vas-tu avoir une bonne note ce matin? L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et l'horoscope de l'amour avec les puissances amoureuses. Puissance amoureuse à 0 sur 5 pour les Sagittaires et les Lions. Non. Alors on vous le disait ce matin, vous êtes deux signes de feu et pourtant on vous trouvera un peu froid et un peu froide aujourd'hui. Mettez un petit peu de chaleur dans vos rapports avec les autres et vous verrez, ça ira beaucoup mieux comme ça. Bon. 1 sur 5, les Poissons et les Balances. Évitez de dire tout haut aujourd'hui, ce que vous pensez, ça peut vexer les autres. 2 sur 5, les Vierges et les Capricornes. Vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que vous voulez pas en amour. Bon bref, aujourd'hui, journée de réflexion et demain, vous passez à la 3 sur 5, les Gémeaux et les Verseaux. Une journée calme, sereine, mais agréable sur le plan sentimental. Et surtout, si vous êtes en couple, aucune prise de tête à l'horizon. Mm-hmm. 4 sur 5, les Béliers et les Taureaux. Votre joie de vivre agira comme un aimant. Voilà. Vers les autres, c'est bien. Et notamment bien pour les célibataires. Et pour les meilleurs du jour, eh bien, on donne la palme et le 5 sur 5 du jour aux Scorpions et aux Cancers. Si vous êtes solo, vous saurez exactement quoi faire pour attirer dans vos filets quelqu'un qui vous plaît. Et si vous êtes en couple, le week-end promet d'être très, très, très chaud. Et ça va commencer dès aujourd'hui. Les Scorpions et les Cancers, 5 sur 5. Et dans un instant, on file en cours. Ouais. Juste après Ken Jones sur Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson

Il y avait aussi le truc, c'est comme cette semaine, il y a une journée de grève. Ouais. Quand le prof t'explique, non, je ne fais pas grève. Non, je ne suis pas gréviste, monsieur. Non, je ne fais pas grève. Et puis la phrase qui fait peur, bah tiens, c'est ce que nous dit Marjo, là, sur SMS. Donne-moi ton carnet de correspondance. Ah oui. Ça aussi, ouais. C'est signe de mauvaise nouvelle. La compile du jour avec les trois phrases les plus entendues chez les profs. Numéro 3. Numéro 3. Alors ça, c'est quand vous essayez d'aller au fond, et que la prof s'en rend compte et il fait hop, toi là, ça sert à rien d'aller au fond. Il y a plein de places au premier rang et là t'es dégoûté. Ouais, mais je préfère être derrière, madame. Oui, mais non, tu te mets au premier rang. Ah merde, fais chier. Oui. Numéro 2. Numéro 2, un grand classique. Jetez vos chewing-gums, je ne fais pas cours à des ruminants. Ah ouais, mais ça ouais. Qui l'a pas entendu celle-ci? Personne, je crois. Mais je pense même que ceux qui font des études pour devenir prof, on leur apprend. Oui. Alors, c'est dans le manuel du prof. Cas numéro 1, les élèves mangent les chewing-gums. Alors vous leur dites, jetez vos chewing-gums, je ne fais pas cours à des ruminants. Punchline. Eh ouais. Numéro 1. Et numéro 1, bon, un grand classique. En plus, c'est ce que tu nous as cité là tout à l'heure sur SMS. Vous êtes la pire classe que je n'ai jamais eue. Ouais, j'ai jamais vu ça. La pire de 30 ans que je suis professeur, 30 ans, j'ai jamais vu. Et l'autre, elle dit ça tous les ans à toutes ses classes. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Ah, le truc terrible aussi, regardez, c'est Eldorado qui nous laisse le message. Qui est volontaire pour aller au tableau? Ah bah en général là tu baisses la tête. Là t'as personne qui lève la main. Ouais. Allez, limite clair. Tu te mets sous la table. Ou alors le lèche-cul de la classe. Moi madame. Ah. Moi madame, je connais toute la leçon. Moi madame. Arrête de te balancer sur ta chaise également. Ouais. Ah ouais, ça les profs ils aiment pas. Ouais. Ou alors quand on est en train de bavarder, si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, bah dites-le à toute la classe. Oui, faites-en profiter tout le monde. Bah oui. Ah les phrases des profs. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. Jetez vos chewing-gums, je fais pas cours à des ruminants. Et hop, toi là, ça sert à rien d'aller au fond. Il y a plein de places au premier rang. Eh ben voilà. C'était la compile du jour. Et vive les profs et bon courage à ceux qui vont en cours ce matin. Oui, bon courage. Et puis les autres, on est content de pas y aller. Hein. Et bon courage aux profs aussi. Hein, parce que... Ah ouais, puis bon courage aux profs. Il faut supporter les élèves parfois. Allez, la roulette qui tourne, c'est avec Soprano, comme je vous le disais. Roulette au 7-20-20 pour faire tourner. Et puis, le grand zap du morning pour savoir tout ce qui s'est passé ce matin. Oui. C'est ce qui nous attend et c'est sur Sky. Je reste au phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. GPS, caméra de recul. Oh, elle est vraiment canon, ta nouvelle Volkswagen. Hein. Tiens-toi bien, entièrement connectée. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Match suréquipée est à 270€ par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2867€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Je suis le pot de peinture de chez Castorama. Ce week-end, et ce week-end seulement, moi et tous mes copains du rayon peinture, nous sommes à moins 15%. Oui, moins 15%. Et on va rafraîchir votre intérieur, n'est-ce pas les copains? Oui. Alors rendez-vous chez Castorama aujourd'hui et jusqu'à dimanche pour profiter de 15% de remise sur les peintures intérieures blanches et de couleur. Tous à vos pinceaux. Hors commande et promotions en cours, voir conditions en magasin et sur castorama.fr. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, la vie d'Antoine ne sera plus jamais la même. Submergé par l'émotion, il embrasse sa femme, sa famille, ses amis. Il était tellement heureux de la victoire de Galatasaray. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Étude Odoxa réalisée sur 6429 matchs. Football, tennis, rugby et basketball du 1er juillet 2015 au 16 février 2016. Numéro 1 pour 73% des cotes relevées. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Une rentrée cool pour Darty? C'est accéder à toute l'innovation sur sa box internet avec une assistance de jour comme de nuit. Et si en plus on est récompensé, il n'y a pas plus cool comme rentrée. Du 17 août au 24 septembre chez Darty, la B-Box Miami de Bouygues Télécom avec Android TV et tous les services exclusifs Darty inclus est à 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. En plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable jusqu'au 15 avril 2017 dans les magasins Darty hors Darty.com. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée, pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups.

Tiens, quand tu te balances. Ah oui, c'est vrai. Oui, elle a quatre pieds, pas deux. Ah oui. Ah, vive les profs. Et ah, bon courage oui. si vous allez en cours ce matin. Bon courage si vous allez bosser. Et du courage. Eh bien, Cécile, Céline, c'est Céline. Tu vas devoir en avoir parce que l'émotion va être forte ce matin. Salut Céline. Sensation Salut forte. Ah, sensation forte pour toi parce que Soprano est au bout de la roulette. Et oui. Et oui. T'es à La Ciotat et t'as 30 ans, toi, oui. Céline. Hein. C'est ça. Tu fais quoi dans la vie? Ben, je suis en congé parental. Très bien. Donc, tu fais un bébé. C'est ça. Comment il s'appelle le bébé? Il s'appelle Nino. Nino. Ça, c'est Nino. Mignon. Ouais, c'est mignon, Nino. Merci. Tu fais une bise au petit Nino. T'aimerais pas retourner en cours, toi non plus? Comment? Retourner en cours, ça te ferait kiffer ou pas? Non, c'est bon, j'ai donné. Non, ah ouais, ouais. Moi non plus. Hein. On a tous eu notre dose. Ouais, ouais. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, ah putain, j'aimerais bien retourner en cours. Eh ben moi, pas du tout, je suis très bien ici. Non, moi non plus. Bah, le seul avantage, c'est pour les vacances scolaires. Quoi. Oui, c'est plus long. C'est ouais. ça. Ah bah ouais, t'as un paquet de vacances. Ouais. Bon, de toute façon, hein, là, c'est pas les vacances. Et puis Soprano, c'est pour toi. C'est parti, on fait tourner ta roulette. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. 200 places à gagner pour vous tout au long de la journée sur Skyrock. Ça tourne, assez bien dans le coin. Jusqu'à ce soir dans la radio libre, vous gagnez vos places. Et là, c'est parti, Céline. À 9h05. Allez, c'est bon, un beau stop. Et des places pour Soprano, j'espère. Des places pour Soprano, mais oui, deux places pour Soprano. C'est gagné, Céline. Ah, c'est super, merci. Bravo. Et ça sera le feu. Et merci beaucoup. Choisis les places au Vélodrome. Ah bah oui. Ah bah oui, t'es à la Ciotat, t'es à côté, au stade oui. Vélodrome. Ça va être un concert de fou, hein. Soprano à la maison à Marseille, au stade Vélodrome avec Skyrock. Ouais. C'est super, je vous remercie, merci toute l'équipe. Bah merci Céline, on te fait de gros bisous, bisous au petit Nino. Moi aussi, merci, c'est gentil. Et puis bah bon concert, tu vas avec qui au concert? Ah bah je vais avec mon chéri. Eh bah voilà, on est amoureux. Très bien, tu c'est laisseras ça. Le petit Nino à la maison. Enfin, ouais. la maison, peut-être pas tout seul, mais bon. Non, oui, non, tout avec seul. Avec un pack de bière et tout. Salut Céline, ciao. Ciao. Ciao, ciao Céline. Bon, il s'est passé plein de choses cette semaine. On vous a offert plein de chèques de 1500 euros, plein d'iPhone 7. Et on recommence la semaine prochaine. Tiens, pour les 1500 euros, on grille un grand bravo à Moussa du Havre, qui va faire plaisir à ses trois enfants avec les chèques. Kylian de Grenoble, lui, il change de voiture, lui. Ouais. Ouais, Dalila a gagné à Montpellier. Gwendo a gagné au Mans. Il y a Tariq qui a gagné à Argenteuil. Aujourd'hui, c'est tombé à Nanterre chez Mamadou. Ouais. À Valence chez Ingrid. Ça tombe. Et, bah, tiens, on va retrouver nos gagnants des 1500 euros, car c'est l'heure du zap. Et inscrivez-vous, hein, 7-20-20, 1500 au 7-20-20 pour vous inscrire. Et Romano s'est inscrit ce matin. Oui. Il a failli merder la réa de l'émission, faisant des blancs et vrai. Tout. Il passe sa vie à s'inscrire. Il a son téléphone greffé à la main. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le morning? C'est le zap du morning tout de suite. Ça s'est passé ce matin. C'est le zap du morning sur Skyrock. Et ce matin, eh bien, c'est l'autre là, The Mask. Ouais. Quand il met un masque, il devient tout chelou. C'est lui. Salut vous. Oui, bonjour. Un petit baiser, chérie. Que je vous ferai voir ma grosse gondole. Et ta sœur. Non. Oh, tu sais, j'ai un collègue, c'est un gros. Il en a une grosse. Si tu t'attrapes, il te démonte. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. tu sais que j'ai un rottweiler aussi. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ah ouais, mais moi, je vais t'enculer, connard. Allez, dégage, tu me pour plaire. C'est quoi le truc qu'on t'a volé déjà, Romano, qui t'a énervé? Bah, un scooter. Ah ouais, ton scooter, c'est vrai, je me rappelle, il était en pleurs, mais pour de vrai. Hein. Ah ouais, bah, j'étais dégoûté, bah, ça coûte cher. Là, il pleurait. J'ai l'impression qu'il s'était fait larguer par sa gothique, mais non, pas du tout, il s'était fait voler son scooter. Bah, ça fait chier, il était garé devant la radio et un mec a dû le charger dans un camion. Bah ouais. Le mec qui nous écoute d'ailleurs, on te salue, man. Hein. Ouais, je veux pas être méchant, mais j'espère qu'il s'est bien croûté avec. Monsieur Lapin, c'est à l'appareil, je suis coiffeur. Est-ce que t'aurais des poux éventuellement en stock sur la tête? Ah, j'en ai, oui. Oui, j'en ai. Bah, je vais venir les récupérer ce matin. Eh ben, tu fermes ta gueule. Oui. Et puis tu passes. Je te ferai voir comment que je m'appelle, moi. Ben oui. Tu t'appelles Jean-Philippe. Jean-Philippe, et tu es un pouilleux. Oh. Ah oui, s'il a des poux. C'est pouilleux. Ben oui. Jean-Philippe le pouilleux. Oui. Oui, c'est ça. Jean-Philippe le pouilleux. Ah ben voilà. Je savais bien que c'était toi. Ingrid, il faut nous dire quelle est ta radio préférée. Alors, ma radio préférée, c'est Skyrock. Ingrid, tu viens de gagner ce matin, dis donc. Bravo, Ingrid. 1500 euros, Ingrid. Bravo. Ouais. Ouh, je suis trop contente. Merci beaucoup. Salut, Mamadou. On est en direct à la radio, Mamadou. Oui. C'est la surprise du matin. Je vais te demander ce matin, quelle est ta radio préférée. Skyrock. Oui. Bravo. Bravo. Et tu viens de gagner 1 500 euros, Mamadou. Bravo, Mamadou. Mais merci, Bifou. Voilà, 1 500 euros dans le 92, dans le 26 ce matin. Et peut-être pour vous, dès qu'on vous appelle et qu'on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock. Et c'est dans la poche, 1 500 euros. Bravo à vous, merci pour cette super semaine qu'on a passée ensemble. Lundi, on recommence le morning dès 6h, ouais, en pleine forme après un gros week-end. Oui. Et ce soir, bah nous, c'est pas encore week-end, parce que ce soir, on est là. Romano, tu es de retour. Oui, ce soir, 21h. 21h, évidemment. J'espère qu'on aura des nouvelles de Cédric ce soir. Mais oui. On fait une bise à Cédric. Cédric s'est croûté en moto. Ouais, bon, y a un mec qui lui est rentré dedans et le mec s'est barré en plus. Donc. Oui, c'est, voilà. Mais tout va bien. Hein. Tout va bien, il a une clavicule cassée. Ça va être terrible pour nous parce qu'il va pas pouvoir se laver pendant 15 jours. Ouais, ça va être un mois. On va dérouiller. Ouais. Ça va être dur. Peut-être de retour ce soir, Cédric, on verra. Ce soir, entre 21h et minuit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des surprises sur Skyrock. Eh oui. Ça va, mon Fredo? Bah écoute, moi, ça va, ouais. T'es pas mis en scooter? Non, j'ai arrêté tout ça, c'est fini. Oui, c'est j'ai arrêté. Ouais, parce que Fred, maintenant, c'est un grand sportif. Je viens en courant. Il vient en courant, tout normal. La ouais. classe, quoi. Comme ça. Ouais, comme ça, il est bien transpireux pour le... pour la matinale, tout ça. Ça fait comme une sorte d'huile posée sur mon corps, ouais, en fait. C'est parfait. C'est parfait. C'est pour ça que tu brilles. Je brille pas mal, ouais. Magnifique. Jusqu'à midi, c'est toi, Fred, urban music non-stop. C'est vrai. Rapper R&B non-stop sur la première radio urbaine mondiale. Devant tout le monde. Skyrock, mais oui, merci à vous. Devant toutes les radios States qui sont très petites par rapport à nous. C'est ça, Hot 97, Power 106. Runner 6. Vive la France, vive le rap français. Ouais. Et vive Skyrock, et merci à vous. Bisous. Bisous. À tout à l'heure, 21h, on compte sur vous. N'oubliez pas d'ailleurs, 20h-21h, il y a un rendez-vous à pas louper sur Skyrock. D'abord, restez là toute la journée. Si vous avez l'occasion d'écouter Sky, vous allez vous éclater. Et à 21h, le ghetto phénomène, les potes de Jul. Passé il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'aime bien ça. Voilà, le morceau de Ghetto Phénomène, Maria Maria. Maria Maria, on le retrouvera ce matin, j'espère. Bah, bien sûr. Parce qu'on aime bien ça. Ghetto Phénomène, 20h-21h et 21h minuit, Radio Libre. Ouais. Ciao. Bonne journée. Ciao à toutes. Ciao, à tout à l'heure. Ciao. Salut. Ciao. Et c'est parti pour le son de Skyrock. Pardon. Quelle belle voix. Ouais, wow. Excusez-moi. Quelle entrée en matière. Quelle entrée en matière. Sexy, mais plus que jamais, Fred. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, très classe. Non, mais bon. Je vous dis, à Skyrock, on a une allergie à cause de la clim. On est tous malades, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est ça, en fait. Tu chopes un truc à chaque fois ici. Ouais, on se le passe tous. Ah ouais. On est très généreux. Bon, on parle en plus dans les mêmes micros. Ouais, il y a des clair. Trucs. Il reste des trucs de Romano d'hier soir. Il y a de la matière, ouais. Je t'ai laissé à manger. Je vois que t'as laissé des trucs d'hier soir à chaque fois. Donc je récupère tout. Allez, Fredo. Je recommence, c'est bon, vous me refaites un petit peu. Allez, on la refait. On coupera au montage. À ce soir, Fred. Ciao. Eh bien, c'est parti. 9h11. Bonne matinée. Bon vendredi à vous tous. Le week-end qui approche et le son sur Skyrock, c'est tout de suite rap R&B en non-stop avec Designer et Panda. The lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on their hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, in the bullet you ban it, hope killers on the stand, I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacy, family, way see, look like a family. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family, way see, family. Packers full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your family. Hope you killers understand. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted Dolina Street, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lattice Street. They be acting rent, I know we clap at you. I be pulling my stuff in the Fanta shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I tried to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got Stanley Gorilla, they come and kill you with bananas. For fillers, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits, say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the end of baby, CTDD, pull up in the killer, baby, call a Philly, feel like I'm Philly.

don't mind. Just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you. I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab your girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of a floor. Set the air. Nigga, chrome the truck out, calico plastic, twin to match it, ice white like some Star Wars space gun, low, that ain't how they call my friend make them, sleep with them like a LA nigga, love is daytime, to talk shit you eager, where here's the procedure, I got rats in Mr. Cider Pool with the Swiss cheese, actually they want the Chiba, I'm the owner and leader, yo my kiss my bitch, I own it and beat her, huh, shit, dick missile, tomahawk, one thing I love is sex discussions and armor talk, who got all the CEOs disputing, and my clips niggas fussing and shooting, yo, it's that same nigga, understanding. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately, you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas, and I still can't get across to you. And last night, I think I